Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Movies Nerd, un peu spécial, c'est un hors-série saga, vous avez l'habitude, on avait déjà fait sur quelques sagas connues du cinéma, dont la dernière était Halloween il y a à peu près un an, et du coup là on a décidé, on a teasé pas mal, du coup on va vous parler de, si vous l'avez déjà pas deviné avec le titre, c'est un peu compliqué, mais du coup de Harry Potter, on va vous parler de la saga Harry Potter en long, en large et en travers. Et pour faire cela, je ne suis pas seul parce que je ne suis qu'un simple moldu, on vous racontera notre histoire personnelle à chacun avec les films, mais moi j'ai une relation un peu particulière avec la saga Harry Potter. Du coup, pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi déjà mon co-hôte habituel du podcast Movies Nerd, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas? Ça va. T'es content qu'on fasse un hors-série saga sur Harry Potter? Ça fait longtemps que tu le demandais, je crois. Non, bon. J'en ai rien à foutre. Fin de transmission, bonne journée. Exactement. Non. C'est comme ça, c'est ouais. Dit. Ouais, ça, c'est... Oui, du coup, voilà. Oui, très. Il fallait qu'une certaine personne qui est en train de parler voit tous les films avant qu'on se lance là-dedans. Donc, ce qui est chose faite à partir de maintenant. Donc voilà. Et j'ai le plaisir. Une lacune de combler. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, j'ai aussi le plaisir d'avoir à mes côtés un invité que vous connaissez si vous écoutez le podcast Movies Nerd, c'est Adrien. Salut. Bonjour. Comment tu vas? Eh ben, ça va très très bien et je suis très heureux d'enfin enregistrer quelque chose sur Harry Potter. Voilà, c'est dit. C'est chose faite. Message à tous tes autres podcasts. Oui, alors vous pouvez pas, parce que là, il faut quand même que je rappelle un truc. Je vois plein de gens qui font des podcasts Harry Potter sans moi, vous pouvez pas faire ça. Légalement, c'est pas possible. Moi, je vous attaque à part, j'en fous, mais voilà, je peux les prévenir. Non, mais voilà, ça venait aussi de ton initiative, du coup, qu'on fasse un podcast Harry Potter. Et du c'est coup, vrai, et quand il dit ça, il veut dire que je l'ai harcelé vraiment tous les jours. C'est ça. Bon, on va pas dire que c'est faux, mais c'est vrai non plus. Donc, du coup. Voilà, on va vous parler de la saga Harry Potter en long, en large et travers. Pour faire le sommaire rapidement, on va parler tout d'abord de notre découverte de la saga, que ce soit par les bouquins ou par les films. Et puis après, on va parler de notre ressenti sur chacun des films de l'École des Sorciers jusqu'aux Reliques de la Mort partie 2. Et on finira du coup avec un classement personnel de chaque film, des 8 films du coup qui composent la saga Harry Potter. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Du coup, je propose qu'on commence tout de suite avec la première partie de ce podcast, qui est la découverte de la saga Harry Potter. Du coup, pour replacer un peu les choses dans le contexte, pour ceux qui... et aussi, on va prévenir tout de suite, on va spoiler comme des gros rats. Il y a un moment, voilà. C'est bien de prévenir, Voilà, non mais je préfère prévenir que guérir, voilà. Oui, absolument. De toute façon, je pense que si vous écoutez un hors-série saga sur Harry Potter, vous savez très bien qu'on va pas dire « Attention, on va pas spoiler l'École des sorciers qui est sortie. » Déjà, Harry Potter et un sorcier, déjà, je suis désolé. Voilà. Ah merde, oh putain. c'était dans le titre, mais bon. Harry Potter, du coup, c'est à la base une saga littéraire qui est de J.K. Rowling. Qui est sorti, le premier tome est sorti le 26 juin 1997 aux États-Unis, qui était tiré à 500 exemplaires initialement, fallait le savoir. En France, le roman a été publié le 9 octobre 1998. Voilà. Il y a eu 7 tomes en tout, plus un tome hors série dont on parlera pas, enfin hors série, je sais pas vraiment parce que je l'ai pas lu, qui est censé être la suite de tout ça, qui s'appelle The Cursed Child ou L'enfant maudit ou je sais pas quoi en français. L'enfant maudit, c'est ça, absolument. Voilà. J'ai juste fait une traduction, mais voilà. Parce que bon, les traductions des titres Harry Potter, parfois, enfin surtout le premier, c'est un peu compliqué. On va parler de notre découverte de la saga. Moi, je vais laisser la parole tout d'abord à Eddy. Déjà, je voudrais qu'on soit un peu tous d'accord. Je pense qu'on fait partie, qu'on le veuille ou non, de... Il y a eu une époque Star Wars comment dire, une génération, voilà, génération Star Wars. On fait partie de la génération Harry Potter, qu'on le veuille ou non, parce que on est tous nés à peu près dans les années 90, plus proche du début ou de la fin, ça je sais pas. Enfin voilà, et du coup plus proche du début, moi, pour le pile au milieu, pile au milieu 95. Voilà, et pile au milieu pour moi aussi. Donc du coup, on fait vraiment partie de cette génération d'enfants qui a grandi avec Harry Potter, qui a lu les livres ou qui a vu les films ou juste vu des publicités, machin. On pouvait pas échapper à la saga, Harry Potter, en fait, quand on est né dans ces années-là. Voilà. Eddie, toi, comment as-tu découvert, du coup, puisque tu es le plus vieux, hein, des hommes de cette. Le plus âgé, c'est plus poli. comment as-tu découvert cette saga, du coup? Eh ben, tu pouvais pas mieux résumer le truc, parce que finalement, moi, j'avais 11 ans. Quand j'ai découvert Harry Potter, et du coup, Harry avait 11 ans quand il entrait à Poudlard. C'est parfait. Donc forcément, il y a tout de suite une identification et une proximité qui se fait avec le personnage. Mm-hmm. Donc voilà, moi j'ai découvert ça. Moi, je n'avais pas lu les livres. Ouais. Parce que je les avais pas lire. Non. je savais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, mais c'est pas grave. Non, c'est une bonne raison. Ouais, en même temps. Hein. C'est sûr que c'est toujours plus emmerdant. Non, j'avais pas lu le premier tome. Mm-hmm. Parce que je lisais pas beaucoup. Ouais. En fait, j'ai plus lu en étant ado, mais c'est vrai qu'à vers 10 ans, je lisais pas encore énormément. D'accord. Mais du coup, moi, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. D'accord. Donc, ouais. Premier film sorti en France le 5 décembre 2001. Mm. Donc, voilà. Et alors, j'ai eu une enfance heureuse, y a pas de souci, mais cinématographiquement parlant, mes parents ne m'emmenaient jamais au cinéma. On achetait des VHS, mais je n'avais jamais mis les pieds dans un cinéma. Donc c'était la première séance ? Donc c'était ma première séance, si. Ah, d'accord. C'était ma première séance, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'en ai un très bon souvenir. Et c'était même pas une salle de cinéma, c'était la salle des fêtes de ma commune, où on avait installé un écran. Ouais. Et on n'était même pas dans des sièges de cinéma, on était dans des chaises collectives, quoi, de collectivité. Donc c'était très particulier, mais ça reste un très bon souvenir. D'accord. J'ai pas vu tous les HP en salle. J'ai vu le premier, le 3, le 7.1 et le 7.2. Mmh. Et après, au niveau des livres, c'est pareil. J'ai lu le 3, le 5 et le 6, mais j'ai pas lu les autres. D'accord. Mais étant donné que j'ai un fan hardcore de la saga à la maison, en fait, les livres, je les ai pas lus tous, mais je les connais par cœur parce que, du coup, à chaque fois qu'ils remettent le nez dedans, bah, j'ai tous les détails, en fait. Mmh. Ouais. Donc c'est pour ça aussi. Et c'est par contre, pour le coup, c'est assez drôle. C'est pour ça que je préfère certaines scènes des romans, des romans que j'ai pas lus, à leur adaptation en film. D'accord. Ah oui, c'est puissant. Ouais, voilà. Genre une certaine scène entre ces deux personnages très importants vers la fin du dernier film, quoi. Ouais, tu spoiles vraiment beaucoup là. Ouais. je trouve que cette scène a plus d'impact dans le roman, par exemple. Mais on y reviendra. Oui. Et après, moi, je me suis fait ma petite culture sur l'univers d'Harry Potter via Internet et les sites de fans. Ça, c'est clair que c'est pas en manque. Hein. Non. J'ai également joué à plusieurs jeux, notamment le tout premier sur PC, qui était pas très beau, mais qui était trop bien. Ouais, tu pouvais te balader dans Poudlard comme tu voulais. Quasiment comme tu voulais. Ouais, quasiment, ouais. J'ai joué au second aussi et au troisième sur PS2. D'accord. Voilà. Okay. Très bien. Adrien, explique-nous tous comment as-tu découvert cette saga qui est chère à ton cœur. Très chère à mon cœur, c'est ma saga préférée, tout simplement, on peut le dire. Et j'ai une histoire un peu particulière parce que moi, mon premier Harry Potter en bouquin, c'était le 3. Ouais. Parce que c'est ma tante, en fait, qui avait trouvé Harry Potter vachement bien et qui m'a filé les bouquins. Et comme je suis une brêle pour vérifier à chaque fois, lire derrière les résumés, tout ça, je fais jamais pour les bouquins, j'ai commencé par Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ouais. Autant te dire que j'étais pas fan. Parce que, pour comprendre. voilà. Oui. Donc, ouais. Et en fait, c'est tout simplement parce que j'ai été un jour chez un ami, quand j'étais, je devais avoir, je sais plus, ouais, peut-être 11-12 ans, voir Harry Potter 1 en DVD. Ah ouais, non, mais là, le riche, quoi, le j'ai DVD. Commencé à DVD, absolument le riche, la richesse, la modernité, je dirais même. Et j'ai vraiment adoré, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lire les bouquins sérieusement, donc en commençant par le début et en finissant par la fin. Et je suis vraiment devenu un gros fan. Je sais pas exactement te situer quand, mais je pense que c'est quand j'ai dû voir le 2 quasiment directement après, pour le coup sorti en cassette. Hein, donc j'ai fait les choses dans le bon ordre, tu vois. J'ai toujours les deux premiers en cassette dans un carton. Ouais. Et là, pour le coup, vraiment, je suis devenu fanboy. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où j'ai commencé à tous les voir, à tous les lire, à acheter des objets, à acheter des machins, les figurines, tout ce que tu veux. À aller voir les derniers au cinéma, à défendre les derniers comme la prunelle de mes yeux, voilà, tout ce que tu veux. Mais c'est vrai que j'ai pas. Souvent, les gens découvrent la saga de façon linéaire, quoi. C'est-à-dire qu'ils commencent par voir le premier et puis machin. Moi, c'est pas du tout mon cas. C'est-à-dire que j'ai été quelque part. Je suis de la génération Harry Potter, comme tu dis, mais j'ai été baigné dans Harry Potter avant d'apprécier ça. Tu vois, j'ai pas découvert en même temps que tout le monde, dans ce sens-là. Et il faut savoir, ça c'est une anecdote que je raconte souvent, mon premier Harry Potter au cinéma, c'est le 5. C'est-à-dire que du 1 au 4, je n'ai pu les voir que parce qu'il y a eu des ressorties au moment de Fantastic Beasts. Avant, je les avais tous vus en DVD et en cassette, j'avais jamais vu ça au cinéma. Donc pour te dire que... Pour un fan vraiment comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire voilà qu'à tous les trucs, les objets, les machins, ce qu'ils appellent un fan hardcore, j'ai pas du tout la découverte, ces histoires de découverte un peu linéaire, ce souvenir un peu embué des premiers instants avec Harry Potter. Moi, pas du tout. C'est pas du tout mon cas. J'ai vraiment découvert ça sur le tard, quoi. Tout ça pour dire qu'on peut devenir fan à n'importe quel moment de la vie, que c'est pas parce que t'es né à la même à l'époque où sortait Star Wars épisode 4 que forcément tu peux être un fan hardcore que par ce biais-là. Oui. C'est un peu comme ça que je comprends les choses. Voilà, oui, donc voilà pour la découverte. Ok, très bien. Pour moi, en fait, j'arrive pas à le resituer. J'ai essayé d'y repenser énormément depuis que. Oui, c'est difficile, hein, moi aussi. Parce que bon, c'est proche de. Enfin, déjà, à la sortie du bouquin, j'avais 2 ans. Voilà. déjà, donc, tu étais grand lecteur. 3 ans. Oui, enfin. Pas comme Eddie qui a donc commencé à lire à 12 ans. 10 ans plus tard. Non, mais du coup, le bouquin, quand il est sorti en France, j'avais 3 ans plutôt. Et du coup, j'ai essayé d'y réfléchir et je pense que j'ai découvert le film, le premier, du coup, à l'école des sorciers via une VHS qu'on devait emprunter à une médiathèque de ma ville. C'est comme ça que j'ai découvert le premier Harry Potter, et j'étais un peu dans cet âge-là où je devais avoir 8, 9 ans, quelque chose comme ça, et je venais en plus d'avoir mes premières lunettes, donc du coup, tu peux imaginer que tous les enfants de l'école t'appelaient Harry Potter. Moi, on m'appelait Serpentard. Si t'avais des lunettes, on t'appelait Serpentard, d'accord. Je sais pas si c'est gentil c'est ou pas. C'est cool, mais... parce que... Hein. Je suis Serpentard. Voilà, d'accord. Ouais, vas-y, je te coupe. Non. Mais du coup, j'ai vu le premier film. J'avais plutôt bien aimé. Du coup, je pense que après ça, je me suis mis à lire les bouquins, le premier. Et en fait, je pense que j'ai fait une. J'ai lu le premier, le deuxième et le troisième. J'ai des souvenirs très marquants de lire le troisième, mais d'une traite quasiment, parce que j'étais tellement accroché par l'intrigue que je faisais que ça. Par exemple, quand on allait, une petite anecdote, quand on allait quelque part en famille, je restais dans la voiture pour lire Harry Potter. Parce que... je m'identifie à fond. Voilà. Voilà, mais voilà, du coup le troisième avait vraiment beaucoup marqué, et au fur et à mesure qu'il sortait, je sais que je, enfin, je sais pas, je pense pas que c'était vraiment au niveau des sorties, je pense qu'on était plus au niveau du 4-5 quand j'ai commencé à vraiment découvrir tout ça. Enfin, je me souviens aussi que je lisais le deuxième dans la cour de récré, sur un banc tout seul, voilà, pour des anecdotes de solitude extrême. Et du coup, je pense pas que j'ai découvert en même temps que ça sortait en salle. Déjà, j'ai vu aucun Harry Potter en salle. Du coup, je pense que j'ai vu les films après avoir lu les bouquins pour le 2 et le 3. Et pour le 4, en fait, j'ai commencé à lire le 4. Je me souviens que j'ai commencé à le lire et je sais pas, il m'est tombé des mains. Et j'ai plus jamais remis les mains dans Harry Potter. Mais j'ai jamais réussi à lire le 4. Il m'a toujours gonflé. En fait, le début est vraiment très long. long, j'ai des souvenirs, mais je, en fait, surtout après être sorti d'une période super intense en lisant Harry Potter 3, mais vraiment en 4 jours quasiment, et du coup, ça m'avait complètement découragé, et j'avais complètement arrêté, je me suis dit, bon, bah, c'est fini, j'arrête, et puis voilà, et je passe à autre chose. Je pense que j'étais passé à Dragon Ball ou à Full Metal Alchemist ou un truc comme ça où j'étais voilà un truc enfin voilà qui était un peu plus adulte on va dire et du coup depuis ce moment-là je n'avais plus jamais revu un seul Harry Potter et plus jamais lu un seul Harry Potter voilà et du coup c'est grâce à ce podcast que j'ai enfin recomblé ma lacune en revoyant du coup du premier au huitième on va dire au septième partie 2. Les bouquins, je comptais vraiment les lire, je compte vraiment encore les lire, même après avoir vu les films, j'ai envie de les relire pour voir ce que ça donne. Et voilà, c'est voilà pour ma découverte d'Harry Potter. Mais je me souviens avoir joué aux jeux vidéo, avoir eu des jeux physiques avec où on devait faire passer une boule dans un truc de Quidditch, etc. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi, mais qui était un peu enfoui parce que ça m'était tombé des mains quoi, et c'était peut-être plus ça me parlait plus autant en fait que ça ne parlait à une certaine époque. Donc voilà. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur notre découverte de Harry Potter et je propose qu'on passe tout de suite au premier film. Premier film qui est sorti en France, comme je l'ai dit avant, le 5 décembre 2001 et au Royaume-Uni et États-Unis le 16 novembre 2001, réalisé par Chris Columbus, scénario de Stephen Kloves, qui sera au scénario, il me semble, jusqu'au dernier. Il me semble bien, oui. Ouais. Donc, adapté des romans de J.K. Rowling, du coup. Qu'est-ce que je voulais dire au niveau des personnages principaux du coup vous allez les rencontrer tout le temps donc Daniel Radcliffe interprète Harry Potter, Rupert Grint interprète Ron Weasley et Emma Watson interprète Hermione Granger. Granger, Drago Malfoy aussi. Ah oui, voilà, ça c'était le doublage. Mais oui, voilà, jeu, c'est je me rappelle de ça. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je l'ai en tête, c'est Granger. Ron Weasley, Hermione voilà. Granger et Drago voilà, Malfoy. Voilà pour les personnages principaux. Du coup, premier film. Eddie, toi, tu l'as vu quand pour la dernière fois? Je l'ai vu quand pour la dernière fois? Ouais. Décembre 2018, en pleine, ouais. en plein problème. J'étais hyper malade. Ah oui, d'accord. J'ai fait une intoxication alimentaire, donc obligé de rester à la maison. On dit, on va se mettre dans Harry Potter, on sera bien. Ouais, ça va nous occuper pendant plusieurs jours. Oui, c'est clair. Ouais. Et oui, donc, mais pas revu depuis, mais bon, en même temps. Oui, voilà. Non, mais tu l'as tellement en tête. Moi, je sais que c'est celui que j'ai sûrement le vu plus de fois. Parce que je connaissais encore, alors que je l'avais pas revu depuis sûrement 2003-2004. Et je le connaissais encore quasiment par cœur en le revoyant aujourd'hui en 2019. Mais je vais sûrement les revoir très rapidement parce qu'on a changé de télé. Donc maintenant, avec le 4K, ouais. On veut voir ce que ça donne, non, mais évidemment. Moi aussi, du coup, comme je suis passé de la cassette VHS à la 4K, ça fait bizarre. Hein. Mais du coup, c'est un très bon prétexte pour revoir plein de films que tu as déjà vu plein de fois. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, là, pendant cet été, je me suis rematé plein de films que j'avais vu plein de fois et que je redécouvre en 4K. C'est plutôt agréable. Mmh. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce film? Est-ce que tu trouves déjà que en 2018-2019, il est encore regardable? Il est encore, enfin, il a pas mal vieilli. C'est pas une question orientée. Bien sûr, les effets spéciaux ont pris un coup de vieux, mais ça, je veux dire, c'est évident. Mais après, je trouve que le film conserve un vrai charme qu'il avait, ce côté très... c'est très Chris Columbus, quoi. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup dans tous ses films à lui. Ouais. Et c'est vrai que moi j'aime bien le côté enfantin, mm-hmm. Plus léger. Non, moi c'est un film que j'ai pas de mal à revoir. Par contre, le doublage VF est absolument affreux. Bon, ça a un certain charme aussi, je trouve. Ouais, vieillot, bon, c'est pas du tout synchro, par exemple. Mais après, ouais. Moi le truc c'est que j'ai vraiment un affect particulier avec celui-là. Alors c'est pas mon préféré, mais moi c'est un film que je revois toujours avec beaucoup de plaisir parce que forcément c'est moi c'est mon début d'adolescence, quoi. Ouais. Ouais. Donc du coup ça évoque plein de trucs et non, après le film en lui-même, disons que ça reste quand même bien fait. Mmh. Et là où je trouve que c'est réussi, c'est que au niveau de l'adaptation, bon, ça pas de problème de ce côté-là, mais c'est qu'en plus ça reste un film long quand même, qui s'adresse globalement à un public jeune. Et je trouve qu'en termes de gestion de rythme et tout ça, ça y a pas de souci particulier. Ça passe bien, et puis l'univers présenté est quand même très attrayant. Mais c'est sûr, oui, comparativement aux autres, avec le deuxième, ça a quelque chose d'un peu plus vieillot, d'un peu plus kitsch. Ouais, on ressent encore un peu les années 90 dans ce film. Oui, voilà. Mais... Ouais. Il y a un charme, mais il y a aussi... Ouais. Et je suis toujours curieux de voir ce que pendant un temps, Spielberg avait été pressenti pour le faire. Ça aurait enchanté Adrien. Il aurait dû aimer un film de Spielberg. Oh, Seigneur, ça l'aurait. Ça l'aurait non, qui reste assez fantasme geek là. Non. Oh là là, on est très très bien sans lui. Ouais, non, mais du coup, ouais, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de voir. Oui. Bah, il a une patte. Enfin, bon, que tu aimes ou pas Spielberg, c'est quelqu'un qui s'est filmé. Hein, oui, bien sûr. C'est filmé, très bien. Mais parce que bon, Chris Columbus, on peut pas dire que ça soit sa force, les mises en scène. Oui, mais bon, bref. Moi, je trouve, hein, personnellement. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, il sait. Déjà, en fait, Chris Columbus, le truc, c'est qu'il savait diriger des jeunes acteurs aussi. Oui. Parce qu'il l'avait déjà fait par le passé. Donc voilà. Bon, après, oui, c'est un film que j'apprécie bien et qui a ses défauts, qui a ses qualités, mais qui, dans son ensemble, quand même, demeure. Convaincant. Et, d'accord. Ne serait-ce que la musique, quoi. La musique sur ces images-là, moi, ça m'emporte. John Williams, on n'a pas parlé, mais là, voilà. C'est John Williams qui a fait la musique des deux premiers. Des trois premiers, pardon. Et qui, du coup, a marqué de son empreinte indélébile. Ah, le thème d'Harry Potter, c'est John Williams. Oui. Donc, il est toujours là où il faut, en fait. Donc, oui, et même ceux qui ont suivi après, Alexandre Desplat et d'autres, ont fait qu'hériter le travail de John Williams, quoi. Bah, ils ont ramené leur truc, mais le thème principal de Harry Potter, c'est... C'est Williams, absolument. Ouais. Adrien, pour toi. Écoute, j'ai vu le film pour la dernière fois le 6 août 2019. Wow. Alors, je l'ai un peu en tête. Ouais. Alors, comment te dire ? Si tu veux, pour moi, Harry Potter 1, Chris Columbus arrive à y faire tout ce qu'il va échouer lamentablement à faire plus tard. C'est-à-dire, quand tu regardes ce qu'il a fait de Percy Jackson, tu comprends pas comment c'est le même mec qui a pu faire les deux films. Parce que si tu veux, Harry Potter 1, c'est pas du tout mon préféré, hein, on verra ça plus tard, mais il y a tout dedans en termes d'installation, c'est un film qui est extrêmement bien foutu. Ah, c'est-à-dire que c'est un espèce de tutoriel géant où en peut-être une demi-heure de film, t'as toutes les bases de l'univers. C'est-à-dire que c'est pas un film qui va être surexplicatif, qui va être bourré de dialogues, bourré de flashbacks, machin truc. T'as peut-être un flashback dans tout le film. Ouais. Et tu comprends vite où tu mets les pieds, oui. Tu comprends vite où tu mets les pieds. Y a pas besoin de tout expliquer. Est-ce que le monde des sorciers est complètement indépendant du monde des moldus? Est-ce que machin truc? On n'a pas besoin de t'expliquer tout ça parce que ça, c'est des choses qui sont pas importantes. Mais non, pour l'installation de l'univers. C'est simplement, voilà, le plaisir de la découverte. Et l'émerveillement, voilà, je pense que si les gens souvent préfèrent ces deux premiers films et même le troisième à ceux qui viendront plus tard, c'est parce qu'il y a cette espèce de charme enfantin, cette espèce de réveil à l'enfance par l'émerveillement, en fait. C'est un film qui est dans l'émerveillement. Et d'un autre côté, c'est quand même, et Columbus confirmera ça après avec La Chambre des Secrets, c'est un film qui ose aussi être très très sombre et très mature. Hein, ouais, c'est-à-dire que cette histoire fin, avec Voldemort, c'est cette espèce de fin complètement cauchemardesque avec les... Je veux dire, on passe quasiment direct. Voilà, c'est ça. On passe quasiment directement de voilà de scène sympatoche où ils volent en balai, en balai, avec cette espèce de cauchemar à la fin avec la pierre philosophale et Voldemort au visage qui brûle et tout ça. Enfin, c'est un film qui est quand même très osé et qui a cette espèce de force. Le 2 encore plus du coup. Le 2 encore plus et qui ont tous les deux cette espèce de force à s'adresser à la fois à des enfants, en tout cas à des préadolescents, mais des pré-ados, oui. Avant tout, mais à être suffisamment ouvert et quasiment universel pour en fait, quel que soit ton âge, tu vas accrocher. C'est-à-dire qu'évidemment, tout le monde n'est pas sensible à Harry Potter et tout le monde va pas adorer les thèmes abordés ou quoi que ce soit, mais c'est un film qui a cette force de pas être un film pour enfants, entre guillemets. Et ça, c'est extrêmement rare dans les adaptations, que ce soit, voilà, j'ai déjà cité Percy Jackson, le machin avec le l'ours blanc, là aussi, je sais plus comment ça s'appelle, la boussole d'or. Et tout ça, voilà, c'est des adaptations. Ouais. Qui se contentent quelque part de rendre, même Narnia, de rendre les livres qui pourraient tout à fait être adressés aussi à un public plus mature, vraiment adressés quelque part aux enfants. Et la grande force d'Harry Potter depuis le début, c'est ça, c'est ouvrir un maximum. C'est faire comprendre qu'une histoire écrite, entre guillemets, pour enfants, n'est pas nécessairement enfantine, n'est pas nécessairement simpliste. Et ça, c'est ce qui fonctionne très bien dans ce film-là, c'est que les personnages sont complexes. Quand même, Harry Potter, c'est pas que un gentil. C'est surtout qu'ils existent tous. Ils existent tous. Ron, c'est pas que l'imbécile machin parce qu'il est complètement doué aux échecs, ce genre de choses. Neville, c'est pas que le couard comme on va le découvrir à la fin. Hermione, c'est pas que la peste, je sais tout, c'est aussi une grande amie. Voilà, il y a cette espèce de complexité déjà qui est installée, quand même vachement intéressante. Et je voulais juste finir en disant que le personnage de Rogue, il est tout à fait symbolique de ça, même toute la saga. C'est-à-dire que toutes les clés pour comprendre le personnage jusqu'à la fin de la saga et la révélation finale sont données dans ce film-là. Dans ce film-là, depuis le début, on croit que Croc c'est gentil. Et en fait, le méchant, pardon. C'est le bad guy. Le méchant. Et en fait, il y a un glissement. Et en fait, J.K. Rowling donnait déjà toutes les cartes et tous les éléments de compréhension qu'on pouvait avoir plus tard. Alors ça, plus voilà, l'enchaînement entre monde des humains, entre guillemets, enfin, monde de la... Des non-magiciens. Des magiciens, les enchaînements, la richesse de l'univers, la richesse thématique, la richesse visuelle aussi, parce que oui, c'est un film qui a vieilli, hein, on va pas se mentir, il y a beaucoup de séquences. Oui, mais ça reste beau, hein, je veux dire, les séquences ça reste en balai. Voilà, les séquences en balai sont belles, mais à la fois, tu vois vraiment. Tu vois les modèles 3D. Tu vois quand même les modèles 3D, même les maquettes de Poudlard, tout ça. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le troll aussi, c'est vraiment pas très bien foutu aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est aussi des marques d'ambition. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'aller jusqu'au bout. Et à l'époque, c'était impressionnant. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment reprocher aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Ça conserve un charme, en plus. Et puis, il y a une richesse visuelle aussi, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a certains effets qu'on vieillit qu'on peut nier la richesse visuelle qui est autour. Les grandes maquettes de Poudlard, les statues, les machins. Ça se verra particulièrement après, notamment dans le troisième. Mais cette espèce toujours encore de fond... derrière les personnages qui est tout le temps en train de bouger, toujours quelque chose qui se passe derrière. Ouais, on dirait un peu des vieux Picsou, tu vois. Il y a toujours des gags derrière, il y a toujours un tableau qui va bouger, un truc. La girafe qui se balade dans le troisième. C'est ça, c'est des films extrêmement travaillés, quoi. Et je pense qu'Harry Potter 1, là-dessus, est un bon tutoriel. Et c'est vraiment, c'est vraiment très bien, très très bien fichu. Ouais. Et évidemment, la musique, voilà, j'en ai pas parlé, mais c'est Williams, il a fait un travail vraiment. Vraiment formidable à ce niveau-là. C'est toujours celle que j'écoute le plus. J'adore les dernières aussi, mais c'est vrai que celle-ci, tu sens vraiment que dans... Je sais pas comment que ça a été fait, mais tu sens vraiment que... Moi, j'ai toujours eu cette impression-là qu'on avait dit à Williams, bon, il faut que ça sente la magie. Du coup, il l'a fait, quoi. Il y a vraiment cette dimension magique dans la musique. Mais pas la magie, c'est pas cucu les petits oiseaux, c'est de la vraie magie, quoi. C'est un monde magique avec sa propre histoire, c'est son quotidien et tout. Ouais, et puis il y a cette atmosphère british aussi, voilà, qui est aussi assez formidable parce que voilà, Harry Potter est souvent associé, et peut-être à raison, au grand studio hollywoodien et américain. Je ne pense pas qu'on puisse dire que le film est quand même totalement british, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Non, mais il y a une atmosphère quand même. Tu vois bien que ce n'est pas un film totalement américain. Ils ont tous un accent incroyable. Il y a McGonagall qui est peut-être le symbole de ça. Enfin voilà, c'est des films qui sont... La plus anglaise des actrices anglaises. C'est ça, qui sont quand même très, très, extrêmement originaux de ce point de vue-là aussi. Ce n'est pas américano-centré. C'est vraiment... Ça aussi, ça fait univers travaillé et univers original. Et ça, c'est aussi vachement intéressant. Ouais, ouais, ouais, non, mais c'est tout, je suis totalement d'accord. Pour moi, en fait, du coup, j'avais pas mal de souvenirs, comme je l'ai dit avant, de celui-ci. Mais il y a des choses qui m'ont encore, enfin, qui m'ont un peu surprise, du coup. Du coup, j'avais le bon âge, entre guillemets, pour découvrir celui-ci quand je l'ai découvert. Il y a certaines choses qui, je trouve, au niveau du jeu d'acteur, il y a des problèmes, je trouve, au niveau de Ron, principalement. Oui, oui, oui, je sais ce que tu veux dire. Honnêtement, Rupert Grint, je pense qu'il s'améliorera, hein, il sera un bon acteur à la fin de la saga, mais je trouve qu'au début de la saga, il est un peu... Je sais pas, j'arrive pas vraiment à le cerner parce qu'il est toujours avec sa bouche là dans les coins, les commissures dans les coins là qui se... Enfin, voilà, dès qu'il a peur de quelque chose. Bon, même Emma Watson, hein, je trouve pas que dans les premiers elle soit très. Ouais, ouais, ouais. Voilà, du coup, et aussi le. Enfin, je trouve que c'est un super film, une super introduction, franchement, c'est. Je pense qu'on pouvait pas faire mieux avec le matériel original, quoi. C'est vraiment. Ils ont réussi à insuffler dans ce film tout ce qui faisait la magie du premier bouquin. En même temps, sans trop expliquer, comme tu as dit, Adrien, ce qui n'était pas nécessaire d'expliquer tout de suite, parce que, voilà, sinon après, je pense que tout le monde se serait perdu. Non, parce que le bouquin, il y a beaucoup plus de... D'explications. De détails et de, oui, de voilà, choses. C'est mais c'est vrai que c'était pas utile, oui, de les mettre dans le film. Parce que déjà, il faut que le spectateur se familiarise avec ce monde. Il faut qu'il se familiarise avec le vocabulaire, parce que le vocabulaire est spécial, parce qu'il y a plein de nouveaux mots qui apparaissent. Et du coup, on nous balance pas non plus énormément de mots, quoi. C'est moldu, enfin voilà, il y a pas beaucoup non plus d'expressions comme ça viendra plus tard. Je trouve que ce film a un certain charme vraiment, et même si c'est, enfin voilà, on l'a dit tous, hein, c'est pas notre préféré parce que il y a mieux après, cinématographiquement parlant, ou mais alors je pense au que c'est que les autres en termes d'enjeux sont plus intéressants aussi. Voilà, c'est ça. Oui, et puis en termes d'émotion, il y a quelque chose chez Columbus, je voulais le dire aussi pour le deuxième, mais qui me gêne, c'est peut-être pas le mot, mais qui fait que ça pourra pas être considéré pour moi comme les meilleurs films de la saga, c'est qu'il y a quelque chose de très... Dans la fidélité à l'œuvre, c'est vraiment trop... Il en fait trop, quoi. C'est-à-dire que c'est... C'est très linéaire. Il se contente d'adapter d'un point de vue linéaire, brillamment, hein, au point de vue de la mise en scène, c'est pas le problème, mais des bouquins, tandis que, après, bon, évidemment, c'est aussi lié au fait que les bouquins sont de plus en plus gros, donc évidemment, il faut faire des choix d'adaptation. C'est vrai que, par exemple, pour ce qui est de Harry Potter 1, la seule chose qui change vraiment, c'est qu'ils enlèvent une épreuve à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, normalement, il y a une épreuve avec des potions, en plus du balai, ce genre de choses, et ils l'enlèvent, donc ça change rien à l'intrigue, et c'est vrai qu'on se demandait pourquoi ça serait utile, alors qu'ils sont déjà suffisamment. Surtout qu'ils sont déjà trois, quoi. Donc ils sont trois, ils ont une épreuve chacun quelque part, donc c'est vrai qu'on voit pas très bien l'utilité des choses. Non, je dis du connerie. Non, si c'est vrai, ils ont une épreuve chacun, puisque oui, Hermione a la plante, Ron a les échecs et Harry a la truc philosophale, donc c'est vrai qu'on se demandait pourquoi une épreuve de plus. Mais à part ça, c'est vrai que voilà, Columbus reste un... J'aime un pas faiseur, ce mot, mais un faiseur, quoi, c'est ça. Et c'est le problème, et c'est cette espèce d'incapacité à se détacher du bouquin qui lui causera tellement de tort par la suite, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'il a... On a l'impression que d'un point de vue narratif et d'un point de vue d'écriture, il n'a pas vraiment d'idée. Limité, quoi. Il est vite limité, il n'a pas vraiment d'idée. Quoi. C'est un peu le problème de ces deux premiers films, je trouve. Mm-hmm. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je voulais juste dire... Ça m'avait pas tellement choqué quand j'étais petit parce que ça me paraissait... Enfin, on va dire... Moi, j'ai juste un problème avec toute l'histoire autour de l'oncle Vernon et la tante Pétunia. Je les trouve vraiment trop caricaturaux, en fait, dans leur méchanceté et dans leur... Oui, les films n'ont pas rendu justice là aux personnages tels qu'ils sont présentés dans Ça a été une constante dans toute la saga. Hein. Parce que même sur la fin, ils sont censés s'adoucir un petit peu dans le dernier épisode, il y a des, scènes qui sont éludées. Et moi, j'aurais aimé voir ça dans les films. Voilà. Dans le premier film, c'est très fidèle. Hein. Les personnages sont caricaturaux. Oui, les personnages sont caricaturaux dans le premier film. Dans le premier livre aussi. C'est les méchants, c'est eux qui lui ont fait vivre une enfer, ce genre de choses. Donc ils sont obligés de les présenter aussi comme. C'est sûr, mais en fait, mon problème vient peut-être pas justement que des films, il vient aussi du bouquin qui est un peu... Oui, et puisque le film est un tutoriel, c'est vrai que forcer le trait me choque moins que dans les films d'après. C'est-à-dire là, voilà, en fait, les présenter comme odieux, c'est peut-être pas le moment dans le premier film de commencer à dire « Ah, mais peut-être que, tu vois, là, pour l'instant, on a Harry, une vie d'enfer, et il va trouver un autre monde, tu vois, c'est tout ce que le film doit dire. » Ouais, donc du coup le premier film ça me choque pas tant que ce soit comme ça. Ça sera un problème plus tard, mais j'en parlerai plus tard. Je voulais apporter cela en disant que pour moi ça passe encore dans le premier parce que c'est justement tout cet aspect tutoriel, etc. Et du coup il fallait bien expliquer que il aurait fait vivre un enfer. Donc c'est pas le souci dans le premier film, mais voilà. Ça va le devenir, hein, tout à fait. Ça change à partir du 3. Pas dans les films. Si. Moi je trouve. Ah, bon, on en ouais, d'accord. On... Ouais. Ils ont plus peur d'Harry, mais. Ils ont plus peur d'Harry, surtout ils sont moins présents. Hein, Le début du 3, je trouve qu'on vient un peu contrecarrer tout ça. Mais c'est pour ça que j'aime bien. Oui, absolument. Mais ouais. Moi c'est un film que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup la fin aussi avec l'échiquier, même si je comprends pas pourquoi Ron doit être sur une pièce d'échiquier. Pour tout le monde s'est posé la question pourquoi il descend pas à ce moment-là. Là on peut utiliser la fameuse formule ta gueule c'est magique. Voilà, c'est ça, exactement. Il doit être dessus pour que ça marche, hein, c'est tout. Voilà. Exactement, on n'aurait pas dit mieux. Et du coup, je propose qu'on passe au deuxième. Peut-être film. Parce que le cheval n'a pas de cavalier en fait. Oui, mais c'est vrai que. Mais je crois que c'est ça en plus. Pourquoi au moment où pourquoi Aaron. Enfin voilà, bon, il y a quand même un. C'est vraiment juste pour qu'il y ait du drama, quoi. Mais bon, c'est ouais, voilà, c'est ça. Ça fait partie du jeu aussi, hein. C'est pour oublier que c'est un film et que c'est pas. Voilà, c'est pas supposé. Si c'était la réalité, ils seraient tous morts déjà. Oui, je pense qu'ils seraient morts à leur rentrée à Poudlard, mais bon. Oui, même dans le lac, hein, il y aurait quand même un monstre dedans. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc, je pense que Voldemort aurait tué Harry et puis voilà. Il se serait pris le mur, hein, en arrivant à Poudlard. Dans la tête. On passe au deuxième film, toujours réalisé par Chris Columbus, sorti en France le 4 décembre 2002 et au Royaume-Uni et aux États-Unis le 15 novembre 2002. On reste sur une période assez peu éloignée entre la sortie française et la sortie aux États-Unis et au Royaume-Uni. Toujours scénarisé par Stephen Cloves et la musique toujours John Williams. Du coup, deuxième année à Poudlard, on va en apprendre quand même beaucoup plus sur l'intrigue vraiment qui fera suite à en fait je pense que c'est à partir de ce film là qu'on commence vraiment à poser les pièces de Voldemort, alors que le premier on le voit juste, on dit bon ok c'est bon c'est fini, enfin même si on sait que c'est pas vraiment fini, et là vraiment on commence à apprendre sur la vie avant Voldemort, sur qui il était, etc. Et donc c'est pour ça que pour moi le film est déjà beaucoup plus intéressant que le premier. Et puis les 4 maisons aussi. Les 4 maisons, même si pour moi j'ai un souci avec ça dans tous les films en fait. J'ai l'impression qu'on s'intéresse que à Serpentard et à Gryffondor et que les autres... Poufsouffle et Serdaigle. Poufsouffle et Serdaigle. Ça se discute un tout petit peu au dernier film parce qu'il y a ces histoires d'Horcrux et de machin de trucs qui mènent à s'intéresser aux maisons, mais c'est vrai que... Non mais ça les intéresse juste à Serdaigle, hein. Ça les intéresse pas à Poufsouffle. Hein. Poufsouffle, on n'en entend pas parler une seule fois dans tous les films. Oui, tu as raison. Et je dis ça parce que je suis Poufsouffle. Voilà, j'aurais pu le dire tout de suite. C'est pas ça. Ce qui me dérange, en fait, c'est qu'on ne s'intéresse pas beaucoup aux autres maisons. On en apprend quasiment rien du tout. Et c'est un peu dommage, je trouve, parce que ça aurait pu approfondir un peu plus tout l'univers. Bon, après, il fallait les faire bouquins ne sont pas spécialement mieux fournis. Ouais, d'accord. Ouais. C'était ma question, en fait, parce que je n'ai pas lu les bouquins. Il y a deux, trois éléments, mais c'est pas spécialement me les fournit. Ouais, voilà. Donc, du coup, plein d'histoires à explorer encore. Oui, voilà. Bah, faites des spin-offs. Moi, franchement, faites des spin-offs, les gars. voilà. Du coup, bah, d'ailleurs, les fan-films essaient de mettre en scène des personnages qui peuvent être issus des maisons dont on entend un petit peu. Bah, oui, parce que. Oui, je voulais en recommander, mais plus tard, quand on fera le. Bah, à la fin, on en recommandera, du coup. Enfin, moi, je pourrais pas en recommander. Mais ouais. Du coup, voilà. Adrien, du coup, que penses-tu de ce deuxième film? Est-ce que tu le trouves déjà meilleur que le premier? Bah écoute, c'est vraiment la suite Bigger, Louder and Stronger, quoi. C'est-à-dire que c'est visuel. Bah en fait, tout est mieux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est mieux foutu. C'est un film qui a très très bien vieilli pour le coup. Je veux dire, Aragog et tout ça, c'est. Dobby. Dobby m'a franchement étonné. Dobby, En fait, le bestiaire, c'est compliqué parce que le bestiaire est plus riche, vraiment plus riche que le premier. Et il est mieux fait, donc partant de là, c'est très difficile de trouver le premier mieux réussi. Après, mon problème, c'est qu'il a aussi les mêmes problèmes, quoi. C'est-à-dire que c'est un film qui est exactement, d'un point de vue de la fidélité et du manque d'audace quelque part, c'est un film qui a exactement le même problème. C'est-à-dire que c'est, pour le coup, c'est le bouquin copier-coller quasiment, quoi. après, voilà, c'est un film qui gagne beaucoup à être vu en version longue, parce que oui, il y a des versions longues des films Harry Potter. Bon, le premier, c'est 5 minutes de plus, et c'est de l'ordre du plan en plus, donc c'est pas grave. Mais le deuxième, pour le coup, c'est quand même 13 minutes de plus. 13 minutes de plus, et j'ai vu des versions longues. Moi. Et il y a une complexité qui est un peu ajoutée. Ça se trouve, il y a des coffrets, machin, je ferai la pub si tu veux après. et pour le coup, la version longue est intéressante du deuxième film parce que. On voit toute la complexité du personnage de Harry, c'est-à-dire que déjà, on voit qu'il a quelque part, pas la tentation, mais quasiment vraiment l'interrogation philosophique du « qui suis-je ? » Et par rapport à Voldemort, par rapport à ce genre de choses, le fait qu'il soit peut-être, on verra plus tard que c'est faux, mais l'héritier de Serpentard, c'est très travaillé, et ça l'est vraiment plus dans la version longue. Mais voilà, tout ça pour dire que j'aime quand même vraiment beaucoup le film, parce qu'encore une fois, il y a cette complexité, quoi. C'est-à-dire que, comme dira plus tard Gary Oldman dans le cinquième film, donc qui joue Sirius, Harry Potter, c'est pas une histoire de gentil et de méchant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la grande majorité des personnages ont une complexité. Et je trouve que c'est vraiment dans ce deuxième film qu'on découvre en quelque sorte la complexité de Harry, qui est pas seulement le gentil petit bonhomme, mais qui, voilà, a peut-être un passé trouble, et a peut-être aussi la tentation du mal quelque part, ou de ce mal se comporter, ce genre de choses. Et c'est ce que j'aime bien dans ce deuxième film, et ce qui est aussi très appréciable, et que c'était moins le cas dans le premier film, c'est le côté théâtral. C'est-à-dire que ce deuxième film est extrêmement théâtral. L'image qui me vient vraiment en tête, au-delà évidemment de Gilderoy Lockhart, qui est le personnage le plus théâtral de la saga, c'est quand ils arrivent au terrier, donc à la maison de l'ami de Harry, donc de Ron Weasley, cette espèce de maison qui tient sur rien, et où en fait les personnages apparaissent quasiment à la fenêtre de temps en temps pour dire bonjour. C'est notamment le père de Ron qui fait ça. Et donc il y a un côté encore une fois très british et très théâtral qui rend le film vraiment délicieux à suivre, quoi. Ruzard qui arrive avec ses gros sabots quand il voit que son chat a été pétrifié, et voilà, quasiment la bave aux lèvres, et qui joue vraiment comme un acteur de théâtre, ce qu'il est par ailleurs, ça donne à ce film là un vrai charme. Il est moins sympa dans Game of Thrones, quand même. Oui, ça, je sais pas. Moi, je pas assez chaud. Alors, je te confirme qu'il est moins sympa. D'accord, très bien. Beaucoup plus, beaucoup plus dégueulasse. Ouais, parce que là, il est pas Il aime bien les chats aussi, mais pas les mêmes. Pardon. Ah, voilà. Pardon, excusez-moi, c'était... C'est fait. C'était son côté Morgane. Voilà, c'est ça, il fallait au moins. Donc voilà, tout ça pour dire que moi, je trouve très réussi, même s'il y a toujours ce défaut qui m'embête vraiment de la fidélité, vraiment, de pas d'audace, en termes narratifs ou en termes d'intrigue. Mais c'est quand même très bien fait, et effectivement, le développement du personnage de Tom Jedusor, donc de Voldemort, est très bien fait, encore une fois, sans en dire trop, sans en faire trop, et d'un autre côté, en faisant bien comprendre... Il s'appelle Jedusor en français Ouais, Tom Riddle, c'est Tom Jedusor en français. Ah d'accord, ok. Putain, d'accord. Voilà, okay. Et encore une fois, je trouve que ça fonctionne bien, et qu'on voit bien la fascination qu'on peut éprouver vis-à-vis de ce type-là, parce que voilà, on pouvait se poser la question, qu'est-ce qui fait que tout le monde a suivi Voldemort, comme tout le monde dans l'histoire a pu suivre Hitler, machin truc. Et là, on comprend bien dans Harry Potter 2, la fascination peut exercer quelqu'un. Et je trouve que l'acteur qui joue Tom Jedusor, dans ce sens-là, est vraiment très bien campé quelque part. Il est vraiment très bien. Je pense que Columbus a vraiment très bien compris ce qu'il fallait faire à cet acteur. Et la manière dont Voldemort devait se comporter, avec ce ton un peu mielleux, fielleux, et un peu, voilà, prêt à tout, et c'est quelque chose qui sera repris notamment dans le sixième film. Et voilà, je trouve que c'est un film qui est au-delà de son problème de fidélité. Oui, il a ce côté charmeur, son long problème de fidélité et très bien fait, vraiment très bien fait. Et aussi, c'est le début de la blague nouveau professeur de défense contre les forces. Ah du oui, mais ça c'est le voilà, c'est le running gag où il y en a un qui reste plus longtemps. Quoi. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Avec Gilroy Lockhart du coup qui est vraiment moi j'ai trouvé vraiment drôle en fait. Oui oui oui, je trouve que c'est comment il s'appelle, c'est Kenneth Branagh je crois. Kenneth Branagh ouais. C'est ça, c'est ça qui est vraiment qui campe vraiment très bien aussi bah de théâtral pareil hein, c'est ah, oui, bah, le personnage de Lockhart. Pas faire plus théâtral je crois. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose de très c'est bien aussi parce que c'est rare dans ces gros blockbusters qu'on voit des qu'on aperçoit ces formes de narration et ces formes de ces choix visuels qui viennent beaucoup plus du théâtre anglais que le grand cinéma américain quoi. Et là-dessus c'est aussi ça contribue à l'originalité de la saga quoi. Ok, d'accord. Eddie, moi j'aime bien aussi celui-ci. Je l'aime bien, après il est clairement pas dans mes préférés, même si j'aime bien je préfère l'ambiance de celui-ci, bizarrement. J'aime beaucoup l'ambiance du premier, mais parce que le premier, on est comme Harry, on découvre et tout ça. Là, on est plus dans le vif du sujet, déjà. Et c'est vrai que l'histoire me passionne peut-être un peu moins, même si ça se met doucement, gentiment en place. Mais après, encore une fois, quand je dis que j'aime un peu moins, ça veut pas dire que j'aime pas. Hein, parce qu'il n'y a pas un Harry Potter que je déteste. Au c'est contraire, ça, c'est le problème pour faire le top. Je les adore après, tous. Ouais. Ouais, pour faire le top, c'était compliqué. Hein, mais voilà. Voilà. Il n'y en a pas un de mauvais, je trouve. Donc, Bah, c'est ça. Et, ouais. Je dirais que celui-ci... moi j'avais beaucoup d'excitation à le voir parce que du coup j'attendais énormément la suite. Et c'est vrai que je l'ai pas vu au cinéma, mais je sais pas, il y a une ambiance vraiment vraiment différente. Et moi je me rappelle que c'est un de ces films qui m'a le plus, je pense que c'est le film de la saga qui m'a le plus fait rire quand j'étais plus jeune. Dobby et puis ne serait-ce que la voiture volante, moi ça, les scènes même avec le Saul Cogneur et tout, je trouvais que c'était, on décelait déjà finalement tout le côté très crédible dans la logique de cet univers, mais avec toujours quelque chose d'assez burlesque. Et c'est, je trouve que c'est ce qui fait vraiment le sel de la saga Harry Potter, et je trouve que le 3 ira encore plus loin là-dessus, et c'est pour ça que je le préfère encore, parce que mais je reviendrai là-dessus, mais c'est vrai que il y a vraiment cette ambiance et cet univers qui se développe encore plus ici et qui commence à vraiment révéler tout son potentiel aussi et sa richesse. On sent que c'est beaucoup plus vaste que ça ne pouvait l'être dans le premier, en fait. Oui, on sent que là, en fait, on entend pour la première fois parler du ministère de la magie. On sent qu'il y a un monde autour et que c'est pas uniquement Harry Potter, en fait. C'est pas ça. Uniquement l'histoire d'Harry Potter. Avant, il y avait un peu le microcosme Poudlard. Ouais. Et là, on sent même microcosme Harry Potter. Hein, parce que, oui. On a l'impression qu'il se passait que des trucs à Poudlard, mais en fait, non. Et c'est tout un monde magique qui existe, et là pour le coup c'est vrai que dans le 2 ça se développe plus. Après est-ce que pour moi c'est le plus intéressant en termes de thématique et de scénario, je sais pas. Mais après c'est vrai que les personnages me touchent plus quand ils deviennent ados. Ouais. Là, ils sont encore, c'est les petits élèves. Les acteurs doivent avoir 12-13 ans. C'est ça, c'est une chose toute bête, c'est que dans les deux premiers, ils sont en uniforme aussi. Dans le troisième, dans les deux premiers, ce qui peut bloquer un peu, on a l'impression qu'ils n'existent pas en dehors du cadre de Poudlard. Alors scolaire, que dans le troisième, c'est tout con, mais Emma Watson, elle est en sweat et en jean. Ils ont des sorties, ils vont après au lard machin, ils ont une vie en fait, ils sont toute l'année à Poudlard, mais du coup ils sont pas toute l'année plongés dans leurs bouquins ou à lancer des sorts machin, non, ça va plus loin que ça. Donc le deuxième, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que je trouve que c'est une continuité très logique du premier. Mais de toute façon, c'est, enfin, ça, même réalisateur, ouais. Donc forcément, ça joue. Mais ouais. Après, voilà, moi, l'affrontement avec le basilic, c'est pas... Ça n'a jamais été quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Oui, je suis d'accord, ça fait un peu fantasy pour rien, quoi. Ouais, et je ne suis pas hyper tu fan du... Tu sens que du, le Seigneur des Anneaux est passé par là, en fait. Ouais. Pas sûr. Que... Ça, ouais, pas. Mais oh. je suis pas hyper fan du design du basilic, en plus. Ouais. Donc, oui, c'est vrai qu'il est pas... Enfin, ouais. Donc voilà, après, le côté sombre, c'est intéressant, parce que... C'est vrai qu'on est quand même plus sur une... Bah là, on parle clairement quasiment d'une série de meurtres. Hein. Ils sont pétrifiés, mais on est quasiment sur... Bah, de toute façon, ça part d'un meurtre, parce que Mimi Géniard, elle en est morte. Oui. Donc y a pas mal de petites choses comme ça, par-ci, par-là, mais c'est pas le film que je préfère dans la franchise. Mais encore une fois, tout ça, c'est très relatif. Ouais. Alors moi du coup j'avais moins de souvenirs de celui-ci, je pense que je l'avais vu 2-3 fois il me semble, donc avant de revoir là, et en fait j'ai été surpris déjà par la qualité, enfin la qualité visuelle des films, enfin je veux dire techniquement en fait, je trouve qu'il est vraiment bien supérieur au premier en fait, je trouve pas qu'il a vraiment vieilli, surtout le personnage de Dobby m'a beaucoup impressionné en fait. Du coup, et je me suis surpris à vraiment beaucoup aimer en fait tout l'aspect enquête du film, et c'est vraiment ce qui me plaît. Ouais, j'aime beaucoup, en fait j'aime beaucoup les films d'enquête, tout simplement, où il y a des mystères à résoudre, et du coup je trouve que là c'est bien fait en fait, c'est, y a des, enfin, les indices sont bien dispersés, on se demande vraiment qui est derrière tout ça, qui a pu ouvrir la chambre des secrets, etc. Du coup c'est, je trouve que tout cet aspect là du film, moi je l'aime beaucoup en fait, c'est pour ça que je préfère déjà au premier, voilà, c'est vraiment un film que j'apprécie beaucoup, même si la bataille finale elle est pas si géniale que ça avec le basilisque, etc. C'est pas non plus c'est pas non plus les scènes épiques qu'on aura dans le futur sur Harry Potter. Voilà, c'est on découvre aussi en fait il y a un mot qui va être prononcé qui va être un peu central, surtout sur les derniers films. Alors, je viens de découvrir son équivalent français parce que j'ai vu les films en anglais là récemment, donc du coup je les avais. C'est sang de bourbe. Du coup, c'est Mad Blood. Mad Blood, donc le sang de la boue carrément, mais en anglais. Mais voilà, c'est pas. Du coup, c'est les familles de sorciers qui ne sont pas purs, du coup, qui sont. Mais ça, c'est une idée intéressante qui arrive. C'est les prémices voilà. Finalement voilà, à toute la dimension politique d'Harry Potter. Voilà, exactement. Et c'est pour ça en fait que ce film m'intéresse pas mal en fait, parce que on y pose toutes les gemmes, que ce soit au niveau de Voldemort, que ce soit au niveau de cette dimension politique avec les sangs de Bourbe, etc. Et aussi on découvre le père de Drago Malfoy, Lucius. Qui en fait un peu des tonnes aussi. Hein. Oui, mais c'est pareil, c'est théâtral. Je trouve pas que ce soit mal joué. Je le trouve assez charismatique quand même comme personnage. Ouais. Et son look est assez imposant. Ses cheveux, cette grande cape noire et tout. Tu sens vraiment. C'est le film qui permet aussi vraiment de distinguer finalement que même chez les sorciers, il y a plein d'inégalités. C'est un monde cruel. Qui exploite des pauvres petits elfes de maison tout mignons avec des grands nez et des grandes oreilles. Oui, voilà, c'est ça. Et ça fait partie des éléments que j'aime bien, mais c'est vrai que j'arrive pas à... C'est pas un film qui me passionne au-delà de tout ça, en fait. Tous les à côté me passionnent, mais pas l'histoire principale. C'est con, hein. Je vois. Du coup, aussi, c'est grâce à ce film que on arrivera. Enfin, s'il n'y avait pas eu ce film dans le set, dans la dernière partie, on n'aurait pas pu tuer le serpent, etc. Enfin voilà. Oui, complètement. Il pose vraiment des germes, etc. qui sont Mais chaque épisode est essentiel, hein, je pense. Voilà. Quand même. Oui, clairement. Ouais. Donc voilà, moi c'est un film que j'aime beaucoup, surtout pour son côté enquête en fait, et pour toutes les germes qui pose, enfin qu'il pose et qui va faire agrandir la saga plus loin que ce qu'elle est au niveau de juste Poudlard en fait. Voilà. Je propose qu'on passe à la suite et du coup du changement sur la saga Harry Potter, puisque ce n'est plus Columbus qui a la réalisation, mais Alfonso Cuarón, qui à l'époque était connu principalement pour Itumama Mama Tambien, il me semble. Des films, des films espagnols, quoi. Et il a pas, c'était son premier grand film hollywoodien. À la musique, du coup, toujours John Williams, au scénario Stephen Kloves, je crois qu'on va répéter son nom 5 fois, mais c'est pas grave. Du coup, date de sortie au Royaume-Uni le 31 mai 2004, en France le 2 juin 2004. Voilà. Troisième film, Le prisonnier d'Azkaban, hein, j'ai toujours pas dit, mais du coup, un film qui va. Qui va présenter un personnage très important de la saga, qui est Sirius Black, qui est le prisonnier d'Azkaban. Ça va être. Qui va présenter plusieurs personnages importants. Oui. Notamment la tante Marge. Également. Bien entendu. Effectivement. Parce que qui n'a jamais rêvé d'avoir une tente gonflable, mais punaise. Tente avec un A et non pas un E. Oui, oui, non, mais du coup, voilà quoi. Adrien, toi, du coup, ce film, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est un film qui est extrêmement travaillé et qui est foncièrement, du point de vue de la mise en scène, original et peut-être, même si c'est pas mon favori, le film le plus original du point de vue de la mise en scène de la saga. Alors, puisqu'on était tout à l'heure dans le monde du fantasme avec Spielberg qui aurait pu faire Harry Potter 1, là, ça aurait pu être Del Toro. Ce qui aurait aussi été intéressant. Ça, c'était pour la petite anecdote, mais tout ça pour dire que voilà. Ça aurait vraiment pu être Del Toro, il avait été pressenti. Del Toro avait été pressenti, mais il avait préféré faire je sais plus quel autre film, je crois que c'était Hellboy. Donc voilà, il a bien fait parce que c'était bien. Mais bon, bref. Oui, ouais, tout ça pour dire que voilà. C'était pas Columbus qui était envisagé, quoi. C'était vraiment, voilà, cette nouvelle vague de réalisateurs mexicains. Et donc, Alfonso Cuarón a été choisi. Et même si je suis pas fan du bonhomme pour les films qu'il fera après, je trouve que ce film-là est très intéressant parce que ça a déjà un peu été dit quand on parlait d'Harry Potter 2, mais il y a une originalité. Déjà dans le traitement des personnages et de l'univers visuel en général. C'est-à-dire que cette histoire de jean, cette histoire de nouvelles tenues et de nouvelles manières de concevoir les personnages en tant qu'humains et plus simplement en tant que personnages là pour remplir les besoins d'une intrigue, c'est vraiment le travail de Cuarón, ça a vraiment été de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anecdotes de tournage très connues sur le sujet d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, et notamment cette histoire assez marrante où il aurait fait écrire à ses acteurs chacun une rédaction pour parler de leur personnage et pour vraiment intellectualiser les choses. Alors devinez qui a rendu la meilleure rédaction et qui n'a jamais rendu la rédaction. Hermione a rendu la meilleure, Ron ne l'a jamais rendu, et Harry a rendu une page. Donc tout ça pour dire qu'ils étaient tout à fait dans leur personnage. Ah oui, oui. Ouais. Et au-delà de ça, même voilà, cet univers visuel et ce côté qu'ils ont à tous avoir leur chemise un peu débraillée, des jeans, ce genre de choses, c'est parce que Cuarón leur a dit: moi, je veux pas que vous soyez des personnages en papier glacé dans un bouquin, je veux que vous soyez des humains. Oui. Et donc, vous vous habillez comme vous vous habillerez en temps normal. Évidemment, en prenant en compte le fait qu'il faut quand même qu'ils aient des chemises à l'écusson, des uniformes, machin, comme il y en a en fait au Royaume-Uni. Ce qui nous surprend là-bas, c'est beaucoup plus commun chez eux. Voilà, et puis on fantasme beaucoup sur le fait Royaume-Uni, voilà, ils ont tous leur uniforme au carré, ce genre de choses, ce qui existe dans certaines grandes écoles privées, mais dans la plupart du temps, ils ont certes des uniformes, mais chacun la porte un peu de la manière qu'il a définie. Et c'est vraiment ce qui est montré, et c'est vachement intéressant que ce soit Cuarón, réalisateur mexicain, qui connaissent ça, qui comprennent ça, qui comprennent que l'uniforme, c'est pas un moyen de, du point de vue britannique, hein, de fondre tout le monde sous la même étiquette, mais simplement d'avoir tout le monde comme appartenant à une même école, mais par ailleurs, tout le monde aussi, dans son individualité, peut la porter de certaines manières, de manière différente, alors qu'en France, ceux qui ont la conception de l'uniforme ont la conception, voilà, tout le monde l'uniforme au carré, tout droit, ce genre de choses. C'est pas du tout le cas dans beaucoup d'écoles au Royaume-Uni, et ça, Cuarón l'a très bien compris. Et je trouve que cette histoire-là symbolise vraiment ce que Cuarón a voulu faire avec Le Prisonnier d'Azkaban, c'est-à-dire un film foncièrement original, où il aurait le contrôle créatif total, hein, c'était vraiment un des éléments qui a fait qu'il a choisi de faire ce film. Il a hésité à le faire parce qu'il n'était pas sûr qu'il aurait le contrôle créatif, et Heyman et tous les producteurs lui ont dit « pas de problème, tu fais ce que tu veux ». Effectivement, quand tu vois le film, il a fait ce qu'il veut, hein, les raccords, les passages dans des horloges pour passer d'une scène à l'autre, même la manière de jouer, les transitions magnifiques, le baissière, l'image, la colorimétrie très sombre, hein, parce que oui, c'est pas David Yates qui a inventé ce qui est reproché plus tard à la saga, c'était ce gris et machin, tu vois, va l'utiliser différemment et ça aura beaucoup de sens dans sa mise en scène. Absolument, et je trouve que Cuarón, mais déjà, a cet aspect sombre, et c'est un film qui est pas très coloré non plus, hein. Sauf que Cuarón, c'est plutôt je reviens un peu sur ce que j'ai dit, c'est plutôt des tons bleus que des tons gris. Mais là, on a beaucoup de tons de bleu, et c'est un film qui est très beau, en fait, plastiquement, et qui, pour le coup, enfin, quelle que soit la scène, vous me direz si j'ai tort, a pas pris une ride. Tu me sors ça aujourd'hui, moi ça me choque pas. Hein. L'hippogriffe est vraiment très très beau. Ouais. C'est très très bien fait. Il y a une ou deux infidélités qui sont souvent reprochées par les fans. Des trackers. C'était super dur en plus, encore à l'époque. Super dur. D'avoir des créatures comme ça en mouvement, un peu flottantes. Et puis ils sont effrayants, c'est très bien fait. Donc voilà, comme je disais, il y a des infidélités, notamment cette espèce de scène qui se veut magnifique dans le film où voilà Harry a cette espèce de moment de liberté à voler sur les pourrifs, les bras en croix en s'amusant, alors que dans le bouquin c'est horrible de voler sur un hippogriffe. Il y a aussi l'éclair de feu qu'il a à la fin, alors que c'est tout un pan de l'intrigue du bouquin où en fait il l'a au milieu et tout le monde pense que c'est Sirius Black qui lui a envoyé et donc il est détruit, ce genre de choses. Il y a des infidélités que je trouve pas, on n'est pas encore dans de l'audace pure, mais Cuarón a une vision, quoi. C'est ça qui est vraiment bien avec Harry Potter 3, c'est que Cuarón a une vision, a une vision créative, une vision en termes de mise en scène, en termes de, on n'est plus vraiment dans du théâtre, on est dans autre chose, c'est vraiment du cinéma pour le coup. Mais il y a quand même un côté où les personnages sont encore non pas caricaturaux, mais vraiment tous dans leur rôle, quoi. Ça c'est pas ce qui est un peu dommage, où on commence à nous montrer dans les bouquins que les Dursley sont peut-être pas des gros méchants et que par rapport à la tante Marge, les Dursley ils sont vraiment ils ont vraiment mieux. Là, dans le bouquin, en fait, on fait tellement pas parler des Dursley que ça pourrait très bien être pareil, on s'en rend pas compte, quoi. Il y a comme ça 2-3 défauts qui auraient pu être un peu corrigés et on aurait pu ajouter un peu de complexité chez certains personnages, mais franchement, c'est du pinaillage. Hein. Je veux dire, en soi, le film est vraiment très réussi et surtout, et c'est ce qui commence à être vraiment bien dans Harry Potter, c'est que des films ont toujours été de qualité, mais là, on commence à avoir de l'originalité, même vis-à-vis des bouquins et surtout, et c'est vachement important, vis-à-vis des films précédents. C'est pas du Marvel, Harry Potter. J'aime pas cracher sur Marvel inutilement, mais là c'est vraiment ça. C'est pas le même film décuplé avec les mêmes ressorts de mise en scène, les mêmes ressorts d'intrigue, ce genre de choses. Chaque réalisateur passé par Harry Potter a sa conception des choses et la montre. Et je trouve que c'est ce qui est vachement bien et c'est ce qui différencie en fait un réalisateur comme Cuarón qu'un réalisateur après on le verra comme par exemple Mike Newell. Mais bon voilà, là on voit bien qu'il y a quand même. Ah, c'est vrai que là, pour le coup, créatif, la transition est... Voilà, et que ce type-là est un auteur, quoi. Même si moi, je l'aime pas tellement, Cuarón, pour être très honnête, j'aime pas beaucoup ses derniers films. J'aime beaucoup les films de l'homme. T'as vu Roma ? Roma, j'ai vu quelques mois trucs, je suis pas encore penché dessus, parce que j'ai tellement détesté le suite avant que... Okay. Gravity ? Voilà, ouais. Mais voilà, tout ça pour dire que je l'aime ou pas, Cuarón, c'est un auteur, et je trouve que parce qu'il a fait d'Harry Potter, c'est là que ça se voit, quoi, quelque part. Ouais, d'accord. Et la musique est somptueuse et très originale aussi. Mais voilà, même John Williams finalement. Il s'est renouvelé là. Complètement. Ouais. Moi, c'est mon préféré en fait. Tout film Harry Potter confondu, tout film issu de l'univers Harry Potter confondu, c'est mon préféré parce que Pour moi, c'est... Et pour le coup, c'est... Bon, je pense quand même que cinématographiquement parlant, c'est le plus intéressant de tous. Ça, pour être objectif... Ça se dit. Hein, pour être objectif, ça, c'est sûr. Mais après, de manière très personnelle, moi, c'est celui que j'aime le plus parce que c'est celui qui met en image le mieux... met en image le mieux ce que moi je me représentais dans mon esprit du monde des sorciers en fait. Et c'est ce qui pour moi est génial, c'est parce que ça y est en fait, tout vit en fait, tout a un sens, tout existe et c'est pas juste des décors, c'est juste un vrai univers. Oui c'est ça, on sent qu'on a les pieds dans quelque chose en fait. Et on en parlait tout à l'heure, notamment des arrière-plans où il y a toujours quelque chose qui bouge. Et ben là, je pense à la scène avec la grosse dame, qui du coup, dans le tableau de la grosse dame qui est, il y a les traces de griffes. Et la scène se passe du coup dans le hall avec tous les escaliers qui bougent. Et derrière les personnages, faut prêter l'œil parce qu'il y a plein de petits détails. Il y a notamment une girafe qui se balade de tableau en tableau. Oui, c'est un film qui est très très travaillé et jusqu'au générique de fin. Il y a une anecdote assez marrante aussi. Oui. Ouais. Oui. Et moi, c'est pour ça que j'adore, c'est parce que et c'est pour ça que j'aime aussi ceux de David Yates parce qu'il reprend un peu ça. C'est qu'on est vraiment dans le quotidien en fait. Absolument. De la magie. Absolument. Et la scène du début dans le bar, c'est tout con, mais le fait de voir le serveur claquer des doigts et puis les chaises se mettre sur la table pour qu'il puisse faire le ménage après, c'est tout con, mais ça fait partie des petits détails qui rendent l'univers beaucoup plus crédible. Tangible, quoi. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est ce que j'aime vraiment dans ce film. Et après, je parlais du côté un peu burlesque humoristique qu'il y avait aussi dans La Chambre des Secrets, et là pour le coup le Saul Cogneur qui perd ses feuilles et puis qui grelotte un petit coup, moi ça me fait rire ça. Et c'est plein, c'est pareil, ça fait partie des petits détails qui participent aussi à l'ambiance assez unique d'Harry Potter. Et après en termes d'histoire, alors je sais que c'est pas majeur l'histoire du prisonnier d'Azkaban, même si Harry finalement finit par retrouver... Si, il y a quand même comment dire, majeur, je sais pas, mais c'est quand même... C'est le seul film Voldemort n'est pas... C'est ça, oui. Elle n'est pas directement centrée sur Voldemort. C'est pas le seul, si je puis me permettre. Dans l'arc narratif autour de Voldemort, elle n'est pas majeure. Mais par contre, oui, dans la psychologie du personnage de Harry, elle est, je pense que c'est assez primordial quand même. Oui, après, il y a juste un petit souci justement par rapport à Harry, c'est que je sais pas comment Quaron l'a dirigé Radcliffe, mais il y a des... Je trouve que c'est le film dans lequel il y a le plus de gros problèmes d'actorat. Je pense notamment à la séquence où il apprend que... Enfin, il apprend entre guillemets, que Sirius Black aurait tué ses parents sur la forêt. Et il dit, je vais le tuer avec ses yeux comme ça. Enfin, c'est pas possible, on dirait... comment il s'appelle Maguire dans Spider-Man 3. Il y a un côté vraiment qui m'échappe là à ce moment-là, mais c'était juste une petite boutade, mais c'est vrai que je m'étonne un peu que Quaron, qui est quelqu'un de si précis justement ici, n'ait pas perçu à ce moment-là que il y avait un souci d'actorat quoi. C'est pas grave du tout, mais c'est tout pour dire que c'est dommage que à la fois que le personnage d'Harry soit si travaillé, et d'un autre côté il soit si entre guillemets mal servi, même si j'adore Radcliffe. Et ensuite, j'ai mangé ce que je voulais dire. Oui, désolé, c'est moi qui ai mangé ce que tu voulais dire. Je sais plus, mais c'est vrai que oui, moi c'est vraiment un film que j'aime énormément et c'est toujours celui que je revois avec le plus de plaisir. Et c'est pareil, au niveau des personnages, il y a Lupin aussi qui fait son apparition et moi c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Qui est un peu comme Sirius va devenir un père de substitution quoi pour Harry. Il l'est moins que Sirius évidemment, mais ils vont être proches quand même tous les deux. Et Lupin, ce que j'aime bien, c'est que c'est quelqu'un de plus terre à terre, de lucide, alors que pourtant il est lui-même il est malheureusement maudit. Oui. Puisque c'est un loup-garou. Oui. Et d'ailleurs, cette scène avec le loup-garou, moi, effrayante, hein, effrayante, très bien faite. Ouais. Moi, quand j'étais petit, j'en venais pas là. Alors que les loups-garous, je vais te dire, j'en ai rien à foutre, mais là, ça m'a fait peur. C'est marrant parce que j'ai plus peur. Les vieux films de loups-garous en costume avec les mecs dans les tenues, machin, me font peur d'habitude parce qu'il y a le côté, je sais pas, vrai, il y a côté un peu monstre qui. Et là, pour le coup, ça reste de la 3D, mais ce loup-garou est tellement. Il est rachitique, il est très. Il a un design assez particulier. Et tu sens vraiment que. Et c'est pour ça que j'aime bien Lupin aussi, c'est parce qu'on sent vraiment qu'il y a une souffrance autour de ce personnage. Ouais. Qui est pas forcément. Alors que ça reste un personnage secondaire quand même dans le film, mais je trouve qu'il est bien exploité. Et puis quand même, il va enseigner à Harry l'un de. Des sorts les plus importants pour lui, le patronus, enfin l'expecto patronum. Non, non, merde, comment on dit, Adrien? Attends. Je sais plus, j'ai plus le. Tu dis le patronus, c'était bien. Oui, c'était ça. le sort se dit expecto patronum, oui, ou spero patronum en VO, mais tu dis le patronus. Et voilà. Du coup, voilà, moi c'est vraiment un film que j'adore et que je peux revoir et revoir. Enfin, j'aime tout, quoi. Le magico-bus, tout ça. Enfin, la scène à l'hôtel. Voilà. Je trouve que tout fonctionne. Très bien. Et c'est un excellent film. Et je préfère. Et ce que j'aime aussi dans celui-là, c'est qu'il, du coup, il change un peu la géographie de Poudlard. Oui, voilà, je voulais en parler, justement. Et je préfère cette topographie de Poudlard, plus précisément, avec la cabane d'Hagrid un petit peu plus en contrebas, le château la grosse pente qui descend, tu vois, c'est avec les dolmens, les machins, voilà, c'est ça. Alors que les deux premiers films, en fait, la cabane d'Hagrid, elle est, tu ouvres la porte, elle est quasiment juste à côté. Alors que là, elle est beaucoup plus éloignée, et puis du coup on voit aussi le pont et la grande cour qui sera aussi là où la bataille finale se passera. Les vrais lieux emblématiques de Poudlard sont dans ce film-là. Voilà, c'est ça. Plus que dans les autres. Oui, et du coup, même si ça paraît un peu bizarre, parce qu'on dirait que en cours d'année, ils ont changé de topographie complètement de Poudlard, c'est pas grave, parce que honnêtement, je trouve que celle-ci va beaucoup mieux que celle qui était proposée dans les deux films. Je trouve que ça respire plus la magie aussi. Tout bêtement. Ouais, en fait, aussi. Je pense que c'est pour ça, c'est que je trouve que ce film respire beaucoup plus la magie et l'univers Harry Potter que les deux autres. Ouais. Et après, j'ai plus l'impression que les autres vont rester sur cette lancée, mais c'est vrai que c'est vraiment celui-là qui amène le monde des sorciers à son paroxysme un peu, quoi. Même si dans les derniers dans les autres où on a le ministère et tout ça, c'est sympa, même le 4 finalement où il y a d'autres écoles de magie et tout, c'est cool aussi, mais c'est vrai que celui-ci a vraiment cette patte que moi j'affectionne énormément, et en termes de mise en scène, c'est vrai que je trouve que pour le coup le Quaron, voilà, de toute façon ça c'est quelque chose que lui sait faire, hein, et tenir une caméra, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas diriger, il n'y a pas de problème. Et les transitions entre les scènes, je les trouve vraiment très réussies. Et les nombreux plans séquences, parce que ça c'est un peu la marque de fabrique de Quaron aussi. C'est un excellent film que je reverrai encore et encore. Il fait presque partie de mes films de chevet, celui-là, je pense quand même. Je suis d'accord. Ok, alors du coup pour moi c'était mon livre préféré quand je l'avais lu, vraiment, c'était, comme je l'ai dit, hein, je l'ai lu en 4 jours. J'avais pas beaucoup de souvenirs du film parce que je sais que je l'avais vu qu'une seule fois. Je l'avais vu qu'une seule fois. Mais du coup t'auras apprécié de le revoir. Oui, j'ai apprécié de le revoir justement, ça m'a rappelé plein de souvenirs, c'était sympa. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est vraiment un film qui se démarque totalement des deux premiers, et en même temps qui rend le plus hommage à ce qu'est Harry Potter vraiment dans la littérature, en fait. Ce que j'aime aussi particulièrement, parce que on a exploré pas mal de scènes. Pour moi, les meilleures scènes de ce film, je trouve, c'est celles avec le retourneur de temps, ouais. où Hermione et Harry se retrouvent... Par contre, faut pas trop réfléchir là-dessus, parce que tu te... Ouais, mais faut jamais réfléchir sur les voyages dans le temps, hein. Jamais. C'est à n'y rien comprendre. J'en connais qui ont essayé dans Avengers Endgame, les scénaristes eux-mêmes, et visiblement, ils ont soit pas assez réfléchi, soit trop, mais... Ouais, du coup, ces scènes avec le retourneur de temps, moi, ça me, bien sûr, ça me fait penser à Retour vers le futur 2, qui, que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Aussi, je trouve que c'est très intéressant la façon dont tout se déroule, parce que on voit une première fois la scène, par exemple, la scène où il y a l'hippogriffe, c'est ça, qui est attaché et qui va se faire décapiter parce que. Il a attaqué Drago Malfoy, bien sûr, c'était Drago qui l'a provoqué, hein. Non, pas du tout. Et du coup, comme son père a un peu d'influence, il a réussi à faire que cet hippogriffe se fasse décapiter. Et du coup, quand Hermione, Harry et Ron partent de la cabane de Hagrid en cachette, elle croit voir quelqu'un. Dans la forêt, on apprendra plus tard que c'était elle-même du coup qu'elle croit voir ou entendre. Et du coup, tout cet aspect-là, moi, j'ai adoré toutes ces scènes, et surtout c'est super bien réalisé aussi. Dans les détails, oui. Oui, oui, non, mais c'est tout a une finalement tout a une importance, donc. Voilà, c'est ça. Ouais, j'explorais juste une part, enfin c'était juste un détail précis de cette scène, mais il y en a beaucoup, je vais pas dire des milliers parce que quand même non, mais voilà, il y en a énormément et c'est très très détaillé, très bien, enfin c'est extrêmement bien fait en fait, tu sens l'artisanat derrière de Alfonso Cuarón qui est là et qui veille à chaque détail. Et voilà, moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, toute la scène où Sirius et Remus se confrontent, etc. Ils sont dans la cabane hurlante. Trouve ça très adulte comme séquence, moi. Ouais, voilà. C'est la première scène qui m'a vraiment marqué. Et Peter Pettigrew. Oui, aussi. Non, mais l'acteur est génial. Enfin, les maquillages dans le film sont vraiment énormes aussi. Ouais. Oui. Ouais. Et non, oui, du coup, toute cette scène-là, en fait, c'est vraiment là où je me suis dit, ah ouais, c'est des dialogues qui me scotchent et je veux savoir la suite. C'est comme si je lisais un roman policier où on allait savoir qui était le tueur du roman, quoi, vraiment. Et en fait, ouais, toute cette scène est super bien réalisée, super bien chorégraphiée aussi. On a l'impression d'être devant une... Enfin, c'est pas filmé de manière théâtrale, mais c'est dans un... Une forme de huis clos. Voilà, c'est une forme de huis clos. C'est un décor mouvant, en plus. Voilà, c'est ça, ouais. Et du coup, moi, j'ai apprécié énormément tout cet aspect du film. La réalisation est vraiment exceptionnelle. Voilà, pour moi, Ron est toujours pas non plus le plus grand acteur de tous les temps. Qu'est-ce que t'as contre lui ? Il est bien, Robin Green. Mais non, c'est pas un excellent acteur. Non, moi, je le trouve vraiment qu'il s'améliore à partir du 5, vraiment. Il était temps. Ouais, oui, non, parce que il reste plus 3 films. Mais dans le 4, non, il est assez insupportable. Est un bon Dumbledore, je voulais dire, d'ailleurs. Parce qu'il y a eu quand même un petit changement de Dumbledore entre les... Exactement. Puisqu'avant, c'était Richard Harris. Et je te trouve Gumball meilleur. Même je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais... Ouais, et ben moi, à la maison... mon... Il y a débat. Oui, parce que mon conjoint trouve que, finalement... Le Dumbledore des deux premiers films correspond mieux au roman. Il a ce côté plus majestueux, plus... Ouais, mais il est aussi plus monolithique, quoi. Et bah oui, moi j'ai envie de dire, mais le problème c'est qu'il paraît plus grabataire, surtout. C'est ça, ouais, absolument. Bah, il a à me dire, ouais, mais dans le 3, enfin à partir du 3, t'as l'impression qu'il est habillé en rideau, machin, il fait beaucoup plus farfelu. Et mais oui, c'est ça qui est bien. Il n'inspire pas la puissance, oui, mais je dis oui, mais il paraît plus énergique, et donc... parce qu'il est censé être pas surpuissant, Dumbledore. Petit débat chez les rentières. Mais on n'est pas les seuls à avoir ce débat-là. Moi, je suis moi avec moi-même, ça, on est d'accord. Oui. Et voilà. Ben moi, comme j'ai toujours fait super gaffe à tout ça, et ben du coup, je me suis même pas, j'ai même pas remarqué quand ils avaient changé d'acteur, ça, tu l'as pas vu. Moi, j'ai fait non, j'ai pas vu. Je viens de l'apprendre, tu vois. Donc du coup, et je blague pas, hein, c'est vraiment. Et comment ils travaillent ces émissions? Oh là là, nous on arrive avec des notes et tout ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est que non. Richard Harris, il est décédé de toute façon. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu un changement d'acteur. Oui. Non mais du coup ça m'avait pas si enfin ça m'avait pas choqué quoi parce que je trouve que Dumbledore en fait on le voit pas tellement que ça dans les premiers dans trois, oui bien sûr oui, dans ces trois même voire quatre premiers films oui je pense dans le 4 un peu plus quand même ouais dans le 4 quand même plus mais du coup il se déploie enfin on en apprend beaucoup plus parce qu'il est très mystérieux dans aussi, le 4 il est très énervé je trouve très énervé et vraiment par rapport au bouquin c'est vraiment pas fidèle mais bon passons et du coup voilà donc pour finir sur ce troisième moi je l'aime beaucoup comme vous deux du coup voilà c'est vraiment un de ceux qui sont les meilleurs que ce soit même au niveau juste au niveau de la réalisation c'est vraiment un grand film quoi. Voilà. Passons au troisième, du coup. Quatrième. Au quatrième, pardon. Harry Potter et la Coupe de Feu. Sorti en France le 30 novembre 2005 et aux États-Unis, Royaume-Uni, 18 novembre 2005. Du coup, ça se rapproche encore plus. Réalisé par Mike Newell. On change encore. Scénario de Stephen Cloves. Du coup, la Coupe de Feu, le film, enfin le bouquin qui m'était tombé des mains et du coup c'était la première fois que je voyais ce film. Est-ce que le film t'est tombé des yeux? honnêtement, j'étais content que les 30 dernières minutes arrivent parce que c'était les plus intéressantes. Je croyais que c'était parce que nous voulait dire que les deux premières heures étaient super chiantes. J'étais content que la fin arrive parce que franchement, je me suis fait chier. Bah non, mais c'est pas que je me suis fait chier, mais oui, déjà, oui, enfin, voilà, je les trouve beaucoup moins puissants que le précédent déjà en termes d'intrigue et de mise en scène. Oui, bon, ça, n'en parlons pas tout de suite. Oui, non, mais ouais, on sent tout de suite qu'on est passé à autre chose. Ah oui. Pas pour le mieux en tout cas voilà c'est j'aime beaucoup tout cet aspect du coup tournoi des trois sorciers etc c'est intéressant je trouve parce qu'on découvre encore plus original que... c'est une manière de, voilà. De rafraîchir un peu l'intrigue aussi c'est ça et pour pas rester coincé sur une seule école de magie etc et qu'on découvre qu'il y en a plusieurs dans le monde. Et ce qui paraît plutôt logique, parce que si c'est juste une seule école au Royaume-Uni, ben, c'est pas très intéressant. Il n'y a pas beaucoup de sorciers dans le monde, forcément. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Et même si... Enfin, je voulais parler aussi du... Ça n'a pas trop de rapport, même si on commence avec la Coupe du Monde de Quidditch. Pour moi, le Quidditch, c'est genre le truc le plus ennuyeux de ces films. Non, bah, du coup, tu dois être content. Bah, tu dois être le seul mec au monde à être content qu'ils aient viré le match de la Coupe du Monde dans le film. Tu dois être le seul mec content de ça, genre. Bah, ouais, parce que moi, je trouve ça mais d'un ennuyeux sans nom, quoi. C'est vraiment. Ça me saoule, en fait. Ouais, monte sur un balai, on verra. Non, mais alors, les gens dans le monde réel qui essaient de faire du Quidditch parce qu'ils sont tellement fans d'Harry Potter. Mais laissez-les tranquilles! Moi, je trouve ça absolument ridicule. Oh mais là là! Dans les films, c'est quand même super classe. Et toi, quand tu joues en slip à jouer à un assassin qui tue des gens dans Assassin's Creed, tu penses que t'es pas ridicule? Je joue pas en slip. Et au pire, si je fais ça, c'est agréable. Au pire, si je fais ça, je suis tout seul dans mon coin. Mais c'est vrai que qu'est-ce que t'as l'air con à courir avec un balai entre les jambes quand même, non? Bon, bah, écoute, c'est ce que font les gens tous les jours. Mais bon, après voilà, hein, c'est chacun, après, fait, chacun non, fait ce qu'il veut. Mais... Oui, chacun fait ce qu'il veut avec ses jambes et son balai. Non, oui, exactement. Et avec ses balais aussi. Oui. Oui. Non, mais n'allons pas là, merci. Mais du coup, voilà, moi, c'est... le Quidditch, ça m'emmerde. Il y en a moins, je suis content. voilà. Tant mieux. Ben voilà, du coup, j'étais content pour le 5 et le 6, je crois, où il y en a moins, ou alors je me trompe. Il y en a dans 6 un peu, mais pas trop. Il y en a dans 6 un peu, mais voilà. En tout cas, voilà. Le film, pour moi, est, ce qui est le plus intéressant, vraiment, c'est cette fin où Voldemort ressuscite, du coup, avec, avec différents artefacts, dont le sang de Harry, les os... de Tom Riddle, le film qui avait Tom été interdit au moins de combien 13 ans, PG-13. Ah oui, parce qu'on lui coupe un peu le bras. Oh là là. Oui, c'est bien fait comme ça, non, on n'est pas très très à l'aise devant. Ouais, mais voilà, du coup, pour moi, c'est vraiment cette bataille finale où on découvre aussi que Lucius est un mange-mort. Ouais. Moi, je m'y attendais trop pas. Bah, en fait, on découvre ce que c'est que les mange-morts, tout simplement. Même. Oui, aussi, voilà, c'est ça. Ils sont assez effrayants au début, hein. Oui. Quand ils incendient le campement autour du tournoi. Hein. Ouais, ils font un peu manque du Ku Klux Klan, quoi, mais. je crois que c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment même, voulu. Hein, Oui, voilà, c'est clairement une inspiration très réelle. Mais du coup, voilà quoi, c'est pour moi c'est là où le film est vraiment intéressant. David Tennant. David Tennant, je l'aime beaucoup. Mais alors c'est mimique avec sa langue. Mais... Non, mais ça a une importance scénaristiquement. Mais je sais, mais bien sûr, je sais. Mais c'est vrai qu'il a vraiment du coup une tête qui se. Bah, moi, de toute façon, j'ai jamais trouvé très bon David Tennant. Non, mais c'est bon. Je sais ce que tu penses du 10e Docteur. C'est pas tu vas écouter mon émission, c'est bien. Ah non, mais moi, David Tennant, je le connais que pour Harry Potter. J'ai jamais regardé un seul épisode de Doctor Who. Donc, J'allais dire, c'est pas grave, mais si, c'est un peu grave même. Donc voilà, moi pour moi c'est pas un film très important, sauf pour ces 30 dernières minutes. Oui, c'est ça. J'avais tweeté et t'avais liké, j'ai vu Adrien que la coupe de feu, c'est un peu le feu au cul qu'ils ont. Oh mais attends, mais ça, parlons-en. Parce que putain, c'est pas possible. Non, ils passent leur journée à penser qu'à ça. J'ai envie de parler de ça. Non mais vas-y, parle-en. J'ai envie de parler de ça parce qu'en plus on en a pas parlé pendant le 3, mais il faut savoir que les premiers éveils sexuels des personnages, c'est dans le 3e film, oui. Hein, avec Harry au début. Ouais. Bon, c'est la métaphore de la masturbation la plus métaphoresque de la masturbation que j'ai vue de ma vie quand même, cette histoire de Lumos Maxima sous la couette. Hein. Et il y a quand même dans le générique de fin, si tu regardes bien avec la carte du maraudeur, deux personnes qui font des petites choses pas très chrétiennes dans un coin, hein, de Poudlard. Oh, il lui refait ses lacets. Et donc voilà. Et là, le quatrième film. C'est un illusionniste, c'est. Mais je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Mark Newell. Mais c'est le festival du... Enfin, déjà, franchement, c'est un des problèmes du film. On en reparlera plus tard, mais c'est un film qui est ultra sexiste, mais au dernier degré, quoi. Je veux dire, les plans au ras du cul des filles de Beaubaton. Des machins. Et les personnages féminins c'est vraiment qui sont écrits à la truelle qui classe, sont qui, hein, les filles qui, de Beaubaton, ouais, hein. C'est ça, mais même les personnages féminins écrits à la truelle qui existent que pour mater les personnages masculins, il y a quand même des gros problèmes, quoi, à ce niveau-là. Ron qui est constamment mais chien, je me demande, justement je voulais te poser la question, est-ce que c'est comme ça aussi dans le bouquin, parce que ça me paraît disons que dans le bouquin c'est moins tranché que ça, c'est-à-dire que il y a pas les effets de caméra en fait, hein, dans le bouquin. Oui, donc, non, mais d'accord, mais tu te rends pas compte que c'est voilà. Mais le bouquin n'est pas sexiste à ce point-là. Le bouquin, ne serait-ce que Fleur de la Cour, par exemple, c'est un personnage qui est beaucoup plus écrit et beaucoup plus travaillé que dans le film. Eh, parce que tous les magazines français avaient dit « On a une Française dans Harry Potter », machin, puis en fait, dans le film... Bah ouais, mais elle joue pas mal Clémence Poésie, le problème c'est qu'elle mais c'est pas le souci, mais c'est que du coup... Ouais, tout ça pour dire que oui, Harry Potter et la coupe de feu au cul, oui absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. C'est un des gros problèmes du film, c'est que ce déferlement d'hormones, le 6e le fait 10 fois mieux que ça, le film, on en reparlera, mais là c'est vraiment... ils ont que 14 ans, hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Mac Newell à ce moment-là, mais... Non, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie, hein, les amis. Non, mais clairement... Tous des préados avec de la moustache et voilà, quoi. Voilà, c'est ça, l'aise, on fait de la moustache. Ron, qui est un insupportable sans nom... Ils ont tous les cheveux longs. Ah ouais, non. Bah, mais... Harry, ça lui va pas mal parce que ça fait un peu héros de fantasy, mais Ron, c'est. Oh là là là là, c'est. Ouais, ouais, il est non, coiffé comme un grand tante. Les frères Weasley, là, c'est compliqué aussi. Hein, les... Ah non, ça leur va bien. J'ai l'impression d'avoir fait un saut dans les années 80, quoi. Bon, bref, du coup c'est, on peut pas dire que soit les coiffures soient un défaut du film, mais tout ça pour dire que oui, Harry Potter et la coupe de feu au derche, oui, absolument. Ouais. Et puis, voilà, quoi, Cho, elle sert... Harry qui crache sa salade sur lui-même quand il voit Cho, c'est quand même un grand moment de l'histoire du cinéma, ça aussi. Oui, non, mais voilà, quoi. Moi, je trouvais ça insupportable. J'avais vraiment envie que ça se termine le plus vite possible. Ouais, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes. Rogue me fait rire dans ce film-là. Si tu veux, quand tu sais que le film... Mike Newell, comme tu disais, donc arrive à la barre et il a été choisi comme James Bond parce qu'il était britannique. C'est le film au ressort le plus américain des 8. Ouais, ouais. Hein, donc c'est vrai que c'est quand même clair, étonnant. Quoi. Chris Columbus faisait 10 fois mieux que ça. Le British, c'est très étonnant là aussi. Là. Cette séquence du bal avec Hermione qui arrive dans sa robe rose. Elle est bleue dans le livre, faut savoir. Mais bon, Carrie dans sa robe rose. Bon, elle lui va très bien. Qui lui va très bien, on dirait une princesse Disney. Et qui commence à danser, machin. Bon, et apparemment, mignon, cette robe, c'était une catastrophe parce qu'elle était tellement fine qu'elle se déchirait tout le temps. Et apparemment, elle a eu énormément de mal à faire sa scène. J'ai vu ça dans les bonus. Bah, surtout que c'est pas du tout comme ça qu'elle se présente et qu'elle s'habille et qu'elle machin. Là, c'est un espèce de... Je trouve que le traitement d'Hermione, il y a quand même un gros souci dans ce film-là. Mais voilà, bon, tout ça pour et dire c'est là que tous les mecs fans d'Harry Potter sont devenus quasiment tous en même temps amoureux de alors non, oui, j'étais amoureux dès le premier, monsieur. Avec sa touffe de cheveux. Oui. Oui. Bah oui, elle est trop mignonne. Oui. Alors nous avons tous la majorité maintenant, donc. Elle était trop mignonne. Oui, voilà. En fait, c'est aussi le problème que j'ai avec ces films. Tu peux pas trop tomber amoureux d'Hermione sans c'est un peu bizarre. Non, voilà, c'est ça. Non, mais quand t'as 14 ans et que tu découvres le film. Voilà, mais c'est surtout les gens qui en parlent et qui ont déjà 25 ans ou plus et qui en parlent comme si voilà comme s'ils avaient 10 ans, c'est un peu compliqué. Voilà, mais non, mais du coup voilà quoi, c'est pas un film marquant, je trouve, et il est pas mauvais parce que il est pas mauvais parce que il a des points d'intrigue assez intéressants. Puis même toute la, enfin ça se suit les pas épreuves, mal la coupe de feu et tout ça, les épreuves c'est pas bah visuellement il est pas vilain, hein. Non c'est sûr, les dragons le dragon est magnifique par exemple, je trouve, voilà, c'est ça, ouais. Et puis même moi j'aime bien Neville et du coup il est un peu plus présent dans celui-là, au moins il aide un peu Harry Potter. Maugrey aussi. Ce qui est un choix de scénariste, hein, parce que normalement il y a toute une histoire avec Dobby qui aide Harry Potter avec la branchiflore, machin. Ah, et je trouve ça très bien que ce soit Neville de retour dans le 4. Normalement oui. Et il y a toute une histoire de libérer les elfes de maison, ce genre de choses. C'est ça. Il y a Winky aussi, non? Oui, absolument. Et en fait tout ça a été sacrifié. Neville qui aide Harry. C'est pas mal que Neville aide Harry. Je trouve que ça commence déjà à montrer un peu que ce type-là c'est pas seulement un bouffon, quoi. Oui, voilà, mais c'est vrai c'est que montrer ça, Hermione avec des vrais engagements, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant. Ouais, plus que les voir se tourner tous autour là. Écoute, la problématique de ce film là, c'est qu'au départ il était pensé comme étant en deux parties et je pense que ça aurait été mieux parce que là c'est vrai que t'as l'impression que du point de vue des personnages c'est un film qui est saccagé, quoi. C'est-à-dire que ils sont tous vraiment ils ont tous une personnalité qui varie pas, quoi. C'est un film qui revient quelque part en arrière par rapport à ce qu'avait fait Cuaron ou même Columbus, où on a l'impression que c'est tous des archétypes de quelque chose. Et c'est parce que c'est un film qui aurait gagné à être beaucoup plus long que ça, quoi. Moi, le faire en deux parties, c'est vraiment ça. Et puis Cuaron jouait sur la sensibilité des personnages, alors qu'ici, quasiment pas, quoi. Un petit peu, mais c'est tellement écrit à la truelle et caricatural que ça pose un gros quand problème. Quand Hermione, elle pleure, là, parce que Ron l'a pas invité. Ouais, on dirait la couverture d'un One, tu vois ce que je veux dire. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Enfin... J'ai trouvé tout cet aspect-là atroce. Et, oui, c'est pas très bien traité, on est d'accord. Et on a le premier gros mot, je crois, dans un film Harry Potter aussi. C'est-à-dire Je crois que Harry doit traiter Ron de con ou un truc comme ça. Je crois. Oui, il en c'est vraiment un gros mot. Voilà. Ouais, as, il me semble. Asshole. Non, mon préféré, c'est ton père est vil et cruel, et toi, tu es pas d'éthique. Il sort un Malfoy, et paf. Oh, j'aurais pas aimé. Ok. Du coup, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce film? Bah, moi, je dirais que ce qui m'emmerde, c'est le... En fait, c'est pas un film que je n'aime pas. Je le revois, je le revois quand je me refais toute la saga. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il est... il est plus... on est plus dans le... Dans le blockbuster teenage, en fait. Oui, absolument. Et c'est ce qui clairement. Et voilà, et c'est son ambiance, et son ambiance générale, moi qui m'emmerde. Sinon, le reste, ça va. Mais c'est vrai que du coup, c'est certainement celui que j'aime le moins parce que, bah, il est plus sur l'efficacité vraiment que sur le la complexité. Ouais, c'est ça, exactement. Et sachant que, je me rappelle de la du marketing autour du film, c'était clairement ça. Hein. C'était clairement sur cette ambiance de teenage que le film était vendu. Voilà. Et blockbuster, héroïque, machin. Alors que Harry Potter, finalement, c'est l'élu, mais c'est pas. C'est pas Luke Skywalker, quoi, on peut le dire. Non, c'est ça. Oui, bon, même attends. Lui, oui, c'est pas le bon exemple. J'ai très mauvais exemple. Très, très mauvais. C'est pas Frodon. Niveau charisme, on repassera. Hein. Mais, dans les premiers, surtout. Mais, même Daniel Radcliffe, je veux dire, il a pas ce charisme de héros. Et c'est ce qui fait la force du personnage d'Harry Potter. Oui, c'est que c'est un nobody, quoi. Enfin, c'est un personnage tout à fait lambda qui pourrait très bien pu être quelqu'un d'autre, quoi. D'ailleurs, on en parlera dans le cinquième, mais c'est ce qui aurait pu être le cas. Effectivement. Pas tout de suite, déjà plus tard. Ok. Juste pour parler de la coupe de feu rapidement, au-delà de ce que j'ai dit, voilà, du gros problème de caractérisation des personnages, je voudrais pas qu'on pense que le film est mauvais. C'est un film qui, en termes d'ambiance, est aussi très travaillé et original, hein, c'est-à-dire que ce côté très gothique. Tous les passages par des statues de la faucheuse, de la mort, ce genre de choses, et tout le dernier acte cauchemardesque, c'est un film qui est très travaillé, hein, on dise pas le contraire. La renaissance de Voldemort et tout ça, c'était quand même des moments qui auraient pu être complètement ratés. On découvre des éléments qui sont forts très efficaces de l'univers quand même. De l'univers d'Harry Potter, c'est un film qui est très complet. Il y a vraiment cette problématique du fait qu'il ait été coupé, en fait, c'est-à-dire le fait que voilà, il y a plein d'éléments qui commencent à être coupés et j'ai envie de dire, par rapport au cinquième, c'est rien, hein, encore. Mais voilà, disons oui, c'est que ça. C'est vrai qu'on a l'impression que le film est qu'il manque des bouts, quoi, très clairement. Mais au-delà de ça, c'est un film qui est très travaillé. Moi, je trouve que l'ambiance avec les cheveux longs et tout ça, moi, ça me va tout à fait. Simplement, voilà, c'est pas des choix esthétiques qui me parlent, mais c'est des choix. Mmh. On peut pas dire que ce soit un film de faiseur. Pour le coup, Noël, c'est pas un faiseur. Le film est quand même très travaillé. Il y a une ambiance, il y a des choses qui se passent. Et puis, il y a une originalité en termes d'intrigue, bon, qui vient du bouquin, mais voilà, avec cette histoire de tournoi des trois sorciers qui chamboule un peu tout. Voilà, les personnages sont pas très bien campés, mais c'est plus une problématique vraiment de scène coupée qu'une problématique globale du il y a un souci dans le scénario, quoi. Il y a pas vraiment de souci dans le scénario. C'est un film qui est construit. Et le côté thriller avec vraiment la recherche d'un tueur, entre guillemets, est très très bien fait. T'as vraiment envie d'arriver à la fin. Non pas parce que le reste est nul, mais parce que t'as envie de savoir qui c'est, tu vois. Le film te balance des fausses pistes, quand tu vois Karkaroff fermer la porte, quand tu vois machin, le film te balance plein de fausses pistes pour qu'en fait, à la fin, tu comprennes que voilà, c'est celui que tu soupçonnais quelque part le moins qui est en fait le traître depuis le début. Et là-dessus, c'est bien fait, donc c'est un film qui est bien fait sur plein d'éléments, et qui est vraiment un bon film au-delà de ça, mais c'est le premier à avoir des vrais soucis de caractérisation de personnage. Et d'ailleurs, on le verra plus ça après. Hein. Je pense que c'est vraiment unique à Harry Potter 4 où il y a eu un souci de montage, je pense. Il y a eu un souci de choix qui ont été faits qui ne sont pas les choix les plus pertinents, je pense. Voilà. D'accord. Le nouveau professeur contre les forces du mal, c'est le professeur Maugrey. Oui, il est très bon acteur et très bien campé, je trouve. Mmh. Ouais, justement. Et moi, j'ai trouvé. Enfin, on n'a pas parlé de Cédric Diggory. Moi, quand même je suis un peu amoureux de Robert Pattinson, mais voilà. Bah, qui n'a d'intérêt que parce qu'il meurt à la fin. Parce qu'il est beau, ça. Bah non, mais dans le reste du film, je suis désolé, mais il est pas quand on nous parlait du premier Twilight, mais si, il a déjà eu une belle carrière, il a joué dans Harry Potter. Oui, bah attends, dans Harry Potter, il a joué un personnage quasiment tertiaire quand même. Non, mais parle mieux, Eddie, parle mieux. Non, excusez-moi. Je sais. Non, mais c'est vrai quand même. Robert Pattinson ne doit ni sa carrière à Twilight ni à Harry Potter. Hein. Il la doit à Twilight parce que c'est ce qui l'a fait connaître. Mais je veux dire, c'est pas ici qu'il a révélé ses talents d'acteur. Il est vrai. Ni dans Harry Potter, d'ailleurs. Il est vrai. Il est vrai. moi je propose qu'on passe au cinquième, qui est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, réalisé pour la première fois par David Yates, qui réalisera tous les films jusqu'au prochain, jusqu'au dernier, pardon. Tu peux dire aussi jusqu'au prochain, ça marche. Hein. Oui. Ouais. Ah, et du coup. Et pour beaucoup, c'est un énorme problème d'ailleurs. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi exactement? Non mais apparemment, voilà, David Yates est quand même assez décrié par beaucoup de... Oui, bah les gens, ils ont qu'à aller voir Marvel et arrêter de me faire chier. Moi, c'est pas mon cas, hein, j'aime beaucoup le travail qu'il a fait, donc je ne comprends pas tout cet acharnement. Mais Morgane, par exemple, n'aime pas la réalisation de David Yates. Oui, oui, bah, écoute, il n'est pas là, hein, et donc il a tort, voilà. Il n'est pas là pour se défendre, c'est pas grave. Non, mais justement, c'est pour ça que c'est... Voilà, on est entre amoureux, je vais pas dire ça non plus, mais... on aime plutôt le cinéma de David Yates, donc voilà. Enfin, le cinéma de David Yates. Excusez-nous de préférer ça à Dora l'exploratrice. Qu'on s'entende bien, le cinéma de David Yates. J'aime les Harry Potter de David Yates. Je n'aime pas Tarzan, qu'on s'entende bien. Oui, oui, oui, bien sûr. Au scénario, cette fois-ci, ça change. C'est Michael Goldenberg qui a adapté le roman d'Harry Potter du Phénix. Sorti en Royaume-Uni le 3 juillet 2007 et en France le 11 juillet 2007. Alors là, c'est vraiment une semaine entre la sortie au Royaume-Uni et la sortie mondiale. Du coup, cinquième film. Je vais peut-être laisser la parole à Adrien parce que je crois que tu voulais parler de quelque chose sur le 4 et que tu voulais attendre d'être sur le 5. On va en parler. Oui, je voulais parler en termes de choix, je crois que c'était ça. C'est ça. De choix de scénariste, parce qu'il faut savoir qu'à partir de Harry Potter 4, les bouquins font le double d'avant, donc forcément il y a des choix de montage. Et si dans Harry Potter 4 ça posait problème du point de vue de l'écriture des personnages, là c'est tout le contraire. L'écriture des personnages est parfaitement respectée, je trouve que Harry est vraiment très très bien, et c'est étonnant parce que Radcliffe, quand on le voyait dans Harry Potter 3 et Harry Potter 4, on pouvait s'attendre à ce que ce soit un peu surjoué, toutes ces histoires du voilà syndrome du survivant, de l'imposteur. Sauf que non, parce que Radcliffe a travaillé en amont d'Harry Potter 5 pour comprendre ce que c'était que le syndrome du survivant, comment le personnage pouvait se sentir, ce genre de choses. Donc le fait d'avoir travaillé fait que dans le film, il est très convaincant. Et tout ça pour dire que les personnages, notamment celui d'Harry, sont très travaillés dans le film. Le problème, c'est que c'est l'univers en lui-même, du coup, qui est moins bien traité dans ce film-là, et notamment par le fait qu'il y a tout un pan très intéressant de l'histoire de Harry Potter. Je voulais dire. Oui, et donc il y a toute une histoire qui est qu'en fait cette histoire d'élu qu'on entendra aussi dans Harry Potter 6 est en fait largement construite par les médias dans Harry Potter, parce qu'en fait Harry c'est pas l'élu d'un sort divin ou d'un machin, c'est pas un héros dans le sens de la prophétie, justement, quoi que ce soit. C'est parce que Voldemort a choisi qu'Harry serait ce mec là qu'il faudrait tuer, qu'Harry l'est. Ça aurait pu être Neville, en fait, et ça c'est très intéressant et important dans l'Ordre du Phénix, dans le bouquin, et où on apprend aussi beaucoup de choses sur le passé de Neville, ce genre de choses, et c'est un petit peu survolé, même très survolé, dans le film. Et moi, c'est pour ça que, bon, on verra plus tard dans les tops, mais que je le mets vraiment, vraiment en bas, celui-là, c'est que c'est pas un mauvais film, loin de là, mais je trouve que les choix qui sont faits en termes de montage et en termes de l'adaptation, on passe beaucoup de temps à parler de la relation entre Harry et Cho, à parler de l'armée de Dumbledore, à parler de machin, des choses qui plaisent, hein, qui sont intéressantes. Mais je trouve que c'est au détriment d'éléments d'intrigue et d'éléments qui font que Harry Potter, c'est pas une histoire de destinée, c'est pas une histoire de si t'es à Serpentard, t'es méchant, si t'es à Gryffondor, t'es gentil. Non. Mais une histoire simplement de choix. Et en fait, c'est ce que Sirius résume très bien dans le film, où il dit, quand Harry lui dit « j'ai peur d'être une mauvaise personne », et Sirius lui répond « il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de bonne personne, il y a des gens qui font des choix ». Et c'est ce qui peut paraître vraiment impensif, mais ce qui est très important dans Harry Potter. Il lui dit pas vraiment ça. Il lui dit tu n'es pas une mauvaise personne, t'es juste une bonne personne. Bonne personne à qui est arrivée de mauvaises choses. Voilà, mais qui fait par ailleurs le choix de. Je crois qu'après il continue en disant comme ça. Et ça, c'est vachement intéressant dans la mythologie d'Harry Potter, c'est qu'Harry, c'est pas un héros positif. C'est quelqu'un à qui il arrive des choses. Et c'est ce qui peut pas. Ce qui agace parfois d'ailleurs dans certaines analyses de la saga où on dit Harry, c'est le mec qui fout rien et qui arrive des trucs. Ce qui est pas vraiment, ce qui est un peu caricatural. Mais tout ça pour dire que c'est ce qui, pour moi, est vachement intéressant dans Harry Potter. Et donc, dans le cinquième film, je trouve qu'il manque un peu de ça, quoi. Il manque un peu du fait des choix. Au-delà de ça, c'est un film qui est très bien fait. Il y a des soucis de montage, dans le sens où c'est vraiment coupé à truelle, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il y a une seule scène. Bon, c'est pas Tekken 3, on est d'accord, mais il y a quand même des gros soucis en termes d'action, ce genre de choses. Je trouve que le côté un peu spectaculaire de l'ensemble est pas très bien servi par le montage. C'est extrêmement coupé vraiment à la hache, il y a énormément de plans, ce genre de choses, et j'ai des petits problèmes avec ça. Mais au-delà de ça, l'intrigue se tient très bien. Ombrage, voilà, c'est un méchant, certes caricatural, mais vraiment délicieux. Alors, et pour le coup, par rapport au roman, on est parfaitement dans ce qui... Parfaitement dans les corps, dans les... Ah, oui. Au roman, voilà. C'est ce qui est compliqué, parce que David Yates, c'est vraiment un fan de la première heure d'Harry Potter. Il a donc fait des choix qui sont, on verra, c'est poursuivi dans le 6, cette fois mieux, je trouve, des choix de mise en scène et des choix de traitement des personnages, qui sont ses choix à lui. Mais moi, c'est un film qui me convient pas tout à fait, parce que c'est pas les choix que j'aurais fait, personnellement, en fait. Ouais. Mais est-ce voilà. Est-ce que le film te convient pas parce que t'as lu le bouquin avant? Absolument, absolument. Ouais, moi, je pense que si j'avais pas lu le bouquin avant, j'aurais trouvé ça très bien, hein. Simplement, ouais, voilà. J'ai lu c'est mon problème, en fait. Moi, ça m'avait pas choqué, pourtant. Et les choix qui, je trouve, étaient faits, tous ne sont pas pour moi pertinents. Mais encore une fois, ça relève vraiment de la subjectivité, je pense. Oui, bien et sûr. Et voilà, ce qui te plaît, par exemple, toi, Axel, quand on parlera plus tard, peut-être que je te grille un peu la politesse, mais dans l'armée de Dumbledore, ce genre de choses, moi, ce sont des choses que je trouve peut-être moins intéressantes que le développement des personnages ou de ce qui est dit par rapport. Après, voilà, le bouquin fait 1000 pages, plus de 1000 pages, il fallait taper quelque part. Et voilà, c'est aussi un choix de mise en scène, hein, de scénariste. Hein. Je peux pas complètement cracher là-dessus. C'est des films qui sont travaillés et qui portent la patte de leur réalisateur, simplement. Est-ce que c'est la patte que j'aurais voulu, moi, pour ce film-là? Je suis pas tout à fait convaincu. D'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Du coup, oui, moi, en fait, comme j'ai pas lu le bouquin, du coup, j'ai pas ressenti comme ça. Oui, ce qui est aussi quelque part bien, hein, je pense. Oui, non, mais du coup, comme ça, j'ai une perspective un peu différente de la chose. Toi, Eddy, je crois que t'as lu le bouquin, c'est ça? Oui. Ouais, donc, toi, est-ce que tu penses la même chose qu'Adrien, ou pas du tout? Pas complètement. D'accord. Tu veux explorer... Enfin, là, disons que je suis assez d'accord avec ce que avance Adrien, mais après, je trouve que... justement, ces choix sont... En fait, ça fait partie des mêmes choix qui ont été faits depuis le début. C'est juste que là, finalement, ils font le choix, finalement, de beaucoup plus recentrer ça sur la menace que représente Voldemort. D'où l'intérêt de constituer une armée de Voldemort pour se défendre. Et c'est vrai qu'après, tout ce qu'évoque Adrien avec, par exemple, le passé de... les parents de Neville, tout ça, c'est des choix qui ont été faits de ne pas plus en parler que ça, juste de l'évoquer mais sans l'approfondir, mais c'était la même chose déjà dans les autres films, et c'est vrai que ça aurait pu renforcer la noirceur de l'armée, pour le coup, de Voldemort, des Mangemorts et tout ça, mais je sais pas, moi ça m'a pas choqué plus que ça. Oui, c'est tout à fait subjectif. Hein. Mais en même temps, pour le coup, le cinquième, c'est quand même un sacré pavé, hein, le cinquième. Hein. Et il est vraiment très riche en détails. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette sensation que le film est un peu plus vide, mais en même temps, il fait le job pour amener la suite aussi. Donc, ça reste quand même convaincant, quoi. Ouais, d'accord. En fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, en fait, c'est la découverte de l'ordre du Phénix, que je trouve très intéressant. En fait, on découvre que il y a un ordre qui est sous la direction entre guillemets de Albus Dumbledore, Et qu'il a pas juste été créé pour l'occasion. Non, justement, qui était créé avant Carines pour combattre Voldemort lors de sa première apparition, quoi. Et du coup, qui réunit pas mal de personnages qu'on nous a déjà présentés dans les précédents films. Et du coup, ça présente des liens, en fait, entre certains personnages qu'on n'aurait peut-être pas imaginés et qui sont intéressants, en fait. Par exemple les Weasley avec Sirius Black et Remus Lupin, je trouve que le mélange des deux familles sont assez intéressantes, et tout cet aspect justement où Harry se retrouve dans cette maison qui est celle de la famille de Sirius Black, Square Grimoire, on en apprend, voilà, et qu'on en apprendra plus justement sur, sur toute cette, cette maison dans le 6e, il me semble, ou le 7e. En fait, comme je les ai vus un peu à la suite. Créature, et puis l'arbre généalogique des Black, on doit le voir dans celui-ci, je crois, quand même. Dans celui-ci ? Avec le tableau de la mère de, de Sirius qui est voilée. Oui, voilà, c'est ça. Je crois qu'on le voit dans celui-ci, il me semble. D'accord, ok. Bah oui, oui, si, parce que Sirius est toujours vivant dans ces scènes-là. Oui, bah, donc oui, c'est forcément dans celui-ci. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc voilà, tout ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que, même si je déteste du plus profond de mon âme Dolores Umbridge, je la trouve, enfin, elle est très caricaturale, mais ça fonctionne plutôt oui, bien. Oui, ça aussi, c'est théâtral, hein, de toute façon. Ouais, voilà, c'est très théâtral. Ouais. C'est vraiment le personnage est déjà dans le roman. Hein. Oui, j'imagine. C'est la méchante pour être méchante, en fait, vraiment, clairement. Mais ça fonctionne plutôt bien. Du coup, tout l'aspect, en fait, cours de magie secrète, etc., que Harry devienne professeur pour les élèves qui décident de rejoindre cette armée et de combattre, du coup, ce que Dolores Umbridge a fait de Poudlard, puisque Poudlard en fait est devenu une école vraiment hyper stricte où il n'y a pas un seul élève qui sort du rang, et sinon il se fait punir, voilà, chercher le mot. Et du coup tout cet aspect là moi ça m'a beaucoup plu. Je voulais parler aussi du personnage de Drago Malfoy, en fait, parce que bon, on le verra plus dans le sixième, où il commence un peu à être à avoir plus de substance, en fait, que d'être le simple le petit compte service, quoi. Mais je pense que c'est quand même beaucoup plus développé dans les romans, parce que je trouve, en fait, que dans toute la saga, on va parler de Drago Malfoy du début jusqu'à la fin. Honnêtement, moi j'en ai pas appris énormément sur ce personnage. Je sais pas vraiment ce qui le motive, à part la peur d'être tué. C'est juste un froussard qui et puis son rang, sa famille quand même, voilà, c'est ça. C'est un froussard et qui a peur de désobéir à ses parents, etc. Mais je pense, enfin, je sais pas si, enfin, là je vous pose une question plutôt à Adrien, puisqu'il a lu tous les romans. Est-ce qu'on en apprend plus sur les motivations de Drago et sur ce qui fait vraiment ce personnage dans les romans, ou alors on en apprend autant que dans les films? Pas à ce stade. D'accord. À ce stade, Drago dans les bouquins reste effectivement un personnage assez caricatural, entre guillemets. En tout cas, c'est vraiment le fils à papa, une seule dimension, avec une seule dimension. Quoi. Et c'est vraiment dans le sixième bouquin, mais surtout dans le sixième film, hein, quand même. Moi, j'aime bien dire ces choses-là. Bien sûr. Qui va être. Qu'on va commencer à percevoir ce qu'il est vraiment, ce type-là, quoi. D'accord. Mais donc, c'est vrai que non, à ce stade-là, dans les bouquins, je ne me rappelle pas, mais peut-être que des gens dans les commentaires me diront le contraire, qu'il y ait vraiment de développement plus poussé que ça, ouais. D'accord, ok. Oui, donc en fait, moi, c'est tout cet aspect caché, etc. Et puis aussi la scène, du coup, qui se passe dans le ministère de la magie, du coup, les élèves vont essayer de retrouver cette prophétie qui va les aider à, qui devrait aider Voldemort, mais du coup ils vont la détruire. Et toute cette scène, en fait, qui se passe dans le ministère de la magie, avec la bataille finale avec Sirius Black qui se fait tuer par Béatrix Lestrange, qui est un personnage que je déteste aussi profondément, du plus profond de mon âme. Surtout, enfin, je trouve que Helena Bonham Carter, elle est parfaite. Elle en fait peut-être un peu par moment. Après, ça vient peut-être du personnage, ça vient aussi de l'actrice qui est très. Là, je suis avec deux méga fans de Burton, alors je vais pas commencer. Disons qu'elle en fait trop peut-être, mais en même temps, le personnage est écrit comme ça aussi. Dans oui, le roman, c'est théâtral, encore une fois. Hein. Béatrix Lestrange est censée être à moitié folle, hein, de toute façon. À moitié, oui, même totalement. Oui, totalement, même. Du coup, voilà, non, c'est pas non plus. Ça m'a pas dérangé non plus énormément, mais c'est juste que je la trouve un peu trop. burtonienne. Ah bon? Je sais pas. Ouais, je trouve pas. Mais... Peut-être pas dans ce film, mais en tout cas, je voulais parler du personnage en général qui me. Voilà. Après, c'est un très bon méchant. J'adore la scène qu'elle a dans le 7ème partie 1, à la fin. Oui. Quand elle tue Dobby. On en parlera plus tard. Voilà. Donc moi c'est vraiment un film que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Je vois pas trop, je vois pas les problèmes puisque j'ai pas lu le bouquin. Du coup, pour moi le film me paraît cohérent dans son ensemble. Ah, il est cohérent, simplement il y a les choix qui sont faits sont des choix. Voilà. Sont des choix. Wow, c'était bien dit. Au niveau de la réalisation, David Yates, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait en fait de l'univers d'Harry Potter. Il continue sur la même lancée un peu que Cuaron. Mais c'est pas parce que des amis, toi. Non, mais je veux dire, il prend les graines qu'a planté Cuaron et qu'a continué à faire pousser. Il a pas fait pousser grand chose. Hein. Si, il a fait pousser la gaule de ses personnages. Oui, c'est ça. voilà. Et les cheveux, non, j'ai raté la blague. Non, mais mais du coup, je trouve que ça fleurit vraiment chez David Yates, quoi. Du coup, ouais. Moi, je trouve que ça fleurit plus à partir du 6, quand même. Oui. D'accord. Ok. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce film pour tout ça. Eddie. Ben moi, c'est un film que j'aime beaucoup aussi, et principalement pour tout ce que tu viens de dire, en fait. Ouais. C'est que j'aime beaucoup son ambiance aussi, et là où j'étais pas d'accord avec Adrien au début, c'est que alors je peux me tromper, hein, mais tu disais que finalement l'univers était parfois laissé un petit peu de côté. Oui. Et en fait je trouve que c'est bien parce que on parlait tout à l'heure de 3 qui montrait la magie un peu dans le quotidien. Et ben justement le fait de montrer ça, mais de le montrer sans le montrer, ça rend la chose plus naturelle et donc encore plus tangible et crédible, et ça crée vraiment, ça participe encore à la force de cet univers-là. Le fait que chaque élément magique à l'écran ne soit pas quelque chose d'exceptionnel, mais quelque chose qui se passe comme ça, moi c'est ce qui me plaît aussi, en fait. Oui, je vois ce que je veux dire, d'accord. Donc pour moi ça fait partie des bons points du film, parce qu'il appuie pas énormément... sur tout ça, moi j'aime énormément le traitement du personnage d'Ombrage. Je la trouve détestable à souhait. Et je trouve qu'elle est vraiment bien interprétée par Imelda Staunton, qui en fait vraiment une bigote machiavélique. je trouve que c'est très réussi, et encore une fois c'est vraiment la même manière que je me la représentais dans le roman. Et après le film, oui, c'est peut-être pas le plus marquant, mais il y a quand même des éléments très intéressants. Toute la partie au ministère de la magie par exemple. Et puis évidemment cet affrontement Voldemort Harry. Ah oui, ouais, non, mais tout cet affrontement là, il est vraiment, enfin moi je l'ai trouvé génial. Et là on découvre enfin toute la puissance de Dumbledore aussi. Ouais, ça faisait partie moi ça faisait partie des scènes que j'attendais, parce que on faisait que de nous parler de directement ou indirectement de la puissance de Dumbledore. Et là, on le voit vraiment à l'œuvre, et ça donne lieu quand même à une scène assez marquante. Après, ensuite, qu'est-ce que je dirais d'autre? Je vois pas. Après, voilà, c'est un film qui... Je trouve que la mort de Sirius Black est un peu... Elle passe très très vite. Ouais, en fait, mais je l'ai trouvé parfaite, moi, justement, parce que la mort dans la vraie vie, c'est ça se passe comme ça, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas un machin avec un gros ralenti et ce genre de choses. Là, c'est vraiment quelque chose qui se passe alors qu'on s'y attend pas du tout, quoi. Et voilà, elle est très très bien faite, la séquence. Elle arrive vraiment à un moment où on s'y attend pas. Enfin, c'est une bataille, donc on peut s'imaginer qu'un personnage peut mourir. Si t'avais pas eu les bouquins, oui, ça a dû te surprendre aussi. Et puis il y a quand même tout ce truc autour du voile aussi. Oui. Et je trouve que dans le film, c'est assez bien retranscrit, parce que dans le roman, c'est assez particulier la manière que c'est expliqué, et finalement, le film arrive à rendre ça assez clair. Dans le bouquin, la séquence sur le ministère de la magie est beaucoup plus longue, il y a beaucoup plus de trucs bizarres au ministère de la magie, mais encore une fois, ça, pour le coup, ça, c'est pas quelque chose qui avait une grande importance, simplement pour poser les bases visuelles de l'univers, mais c'était pas... Ça me gêne pas que ça ait été coupé, là. Et après, au niveau des nouveautés, il y a aussi Luna Lovegood, très bien, son apparition, et pareil, je trouve que c'est un personnage qu'on peut facilement sous-estimer alors qu'elle a son importance, et on sent que Harry, bon, on se doute bien qu'il y aura jamais qu'il y aura, quand à l'époque où les films sortaient et que les romans sortaient, on savait pas si Harry finirait finalement avec quelqu'un aussi, parce qu'on se posait la question, hein. On se doutait bien qu'il y aurait pas forcément quelque chose avec Luna, mais par contre on sent qu'il y a une amitié quand même entre les deux. Une compréhension très forte. Et une compréhension, ouais, en tout cas, parce qu'ils ont tous les deux vécu des choses similaires, et notamment leur rapport à la mort, voilà, c'est assez morbide, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui leur permet de se comprendre, et on voit un peu Luna comme un soutien, en fait, à Harry. Quelqu'un qui est... Et puis Luna, ce qui est bien, c'est que dans la saga, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le jugement du tout. Oui. De quiconque. Ouais. Parce que Hermione, elle a beau... voilà, mais elle est... Elle reste quand même quelqu'un qui réfléchit, qui pense beaucoup. Et Luna est beaucoup plus détachée, en fait, de tout ça. Ouais, elle est plus dans l'instinct. C'est ça. Et c'est bien aussi d'avoir des personnages comme ça. Donc voilà. Donc après, oui, c'est clairement pas le film le plus marquant, je trouve. Mais c'est pas non plus le plus désagréable à suivre. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus de plaisir, par exemple, à revoir celui-ci que le précédent. Ah, que le quatrième. Peut-être, mais je suis pas sûr. Tu préfères voir la coupe de feu, je pense, les que élèves, oui. Là, oui, je pense que je préfère revoir la coupe de feu parce qu'il me frustre moins que celui-ci. D'accord, ok, je vois. Voilà. Du coup, on va passer au suivant, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, toujours réalisé par David Yates, Stephen Kloves qui revient au scénario, sorti en France, enfin partout dans le monde, du coup, c'est une sortie mondiale, le 15 juillet 2009, donc voilà, suite directe quasiment de... Enfin, là, c'est vraiment une suite vraiment directe parce qu'on voit la fin de, enfin, le départ de la bataille au département des mystères, etc. Quelques semaines plus tard, et voilà. Du coup, le ministère de la magie, qui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais il était, enfin, il voulait pas entendre parler du retour de Voldemort. Il était complètement buté sur son idée que Voldemort n'était pas revenu. Là, il l'a vu. Il l'a vu de ses propres yeux, et du coup, tout le monde magique est au courant du retour de Voldemort, et Dumbledore est un peu remis à son, enfin, sur son piédestal. Ouais, sur son piédestal, clairement. Mais enfin, c'est un peu marrant, comme tu disais avant, Adrien, l'aspect avec la presse et Dumbledore et Harry. Où c'est toujours un peu, ils retournent toujours leur veste. Oui, c'est bien foutu, ça. Ouais, absolument. Ouais, voilà, c'est bien foutu. J'ai bien aimé cet aspect. Même avec les élèves de Poudlard, hein, puisque il y a un moment, ils pensent que ce que dit la Gazette magique. La Gazette du sorcier. Voilà, la Gazette du sorcier. Est la vérité sur Harry, et du coup il craigne Harry, ou il se méfie de lui, et du coup après ils comprennent que Voldemort est vraiment de retour, et là voilà, tout le monde est au courant que Voldemort est de retour. Il y avait déjà Simus qui traduisait ça aussi dans le cinquième. Ouais, aussi, ouais, c'est vrai. Donc voilà, là on dans celui-ci, c'est peut-être le film de Dumbledore, on va dire, parce que c'est là, je trouve que c'est le film où il est plus important. Oui, bien sûr. Ouais. Et même, enfin, dans le bouquin, quand il est sorti, tout le monde il venait de sortir, tu savais déjà ce qui allait se passer à la fin. voilà. Donc du coup, moi personnellement, j'étais pas surpris parce que tout le monde me l'avait spoilé à la sortie du bouquin. Logique. Que Dumbledore allait mourir, du coup. Je savais pas par qui et je savais pas comment, du coup c'était quand même intéressant de voir comment ça se développait. Et c'est encore d'autant plus intéressant quand tu vois les deux autres films après. Les deux autres suivants, voilà, c'est clair. Pour découvrir en fait tout le mystère qui entoure cette scène, mais on en parlera un peu plus tard. Mais on pourrait même dire finalement que ce film-là plus les deux parties qui suivent forment presque une ouais. trilogie au sein de la saga, je trouve. Sur oui, certains parce qu'il aspects, y a un peu la même, c'est très, tout est très très lié quand même. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Adrien, toi, je sais que tu apprécies tout particulièrement ce film. C'est peut-être même celui qu'il préfère, je pense. Peut-être, oui, mais je vais rien dire. Je voulais pas le dire. Je voulais, voilà, tu ne dis rien déflorer. Pour l'instant. Voilà, c'est ça. et du coup, dis-moi ce que tu ressens par rapport à ce film. Est-ce que par rapport au bouquin, il te satisfait plus que l'Ordre du Phénix? Écoute, j'ai une ou deux anecdotes marrantes. Déjà, le bouquin du Prince de Sang Mêlé, j'ai une histoire particulière avec lui parce que mon libraire me l'avait vendu, que je connaissais bien, un jour avant sa sortie. Officiel. Et du coup, t'as pu lire la fin. Absolument. Et la deuxième anecdote, Guillermo del Toro aurait pu réaliser le film. Oui, mais qu'il l'a refusé aussi, pour faire Hellboy 2. Voilà, tout ça pour dire que Hellboy est passé au-dessus d'Harry Potter deux fois pour Del Toro, que c'est comme ça. En fait, c'est un peu le truc drôle avec la carrière de Del Toro, c'est que tout le monde s'extasie sur les films qu'il aurait pu réaliser. Ouais, mais là, je m'extasie mais on s'extasie pas beaucoup moins sur les films sincère. Qu'il réalise, en fait, ouais, dernièrement. Ouais, c'est ça. Moi, je m'extasie pas sur ce que ça aurait pu être, parce qu'effectivement, j'apprécie vraiment tout particulièrement Harry Potter 6. Et pour répondre à ta question, Axel, c'est justement dans son rapport au bouquin que je le trouve génial. C'est-à-dire c'est les que choix qu'il fait. Il fait une série de choix, ça je peux te dire que parle à beaucoup de fans d'Harry Potter dans le monde, ils vont hurler si tu leur dis ce que je vais dire par rapport à Harry Potter 6. Parce que c'est un des films, je crois que c'est le moins aimé, si on compte ah pas ouais les deux d'accord. derniers. Ouais, pour moi c'était le cinquième le moins aimé. Non, le sixième vraiment est détesté de beaucoup, beaucoup de gens. Ah ouais, moi je trouve pas. Parce que, non, quoi ? Deux secondes, excusez-moi. Oui. Non, mais c'est ce que j'ai vu en fait, moi, c'est ce que j'ai lu principalement sur Sens Critique. Excusez-moi, il y a des gens qui claquent ma porte. Parce que... je disais justement des critiques un peu sur le net après avoir vu les films et je voyais que justement ceux qui avaient lu les bouquins étaient beaucoup plus sévères avec le film. Absolument. Pour ses choix. Et en fait, les gens qui reprochent des choses dans Harry Potter 6 disent la même chose que moi, que ce que j'ai dans Harry Potter 5, seulement ils en font un défaut alors que moi j'en fais simplement un choix qui me plaît pas, tu vois. Mais dans le sixième, il y a énormément la structure en fait du bouquin est complètement révolutionné par Yates. Il y a énormément de séquences qui sont déplacées, qui se passent pas au même moment, qui se passent pas de la même manière. D'accord. Il y a énormément de choix qui sont faits, mais qui sont tout aussi pertinents. Par exemple, dans le bouquin, pour donner un exemple, il commence par une rencontre entre le premier ministre britannique, des Moldus, notre premier ministre, si j'ose dire, et le ministre de la magie. Et c'est par ce biais-là qu'on commence à voir comment un petit peu les deux mondes se répondent. Alors que le film fait de manière beaucoup plus simple, de manière très cinématographique et très visuelle, il montre les Mangemorts détruire un pont dans le monde Moldu. Ouais. Et en fait, je trouve que le choix est intéressant. Alors on peut regretter le fait qu'il n'y ait pas la longue discussion un peu politique, machin, mais en fait, je la trouve pas très bien faite, sincèrement, dans le bouquin. Elle est un peu caricaturale et elle n'apporte pas grand-chose à l'univers. Alors que là, on voit bien que par la violence, la menace des Mangemorts et de Voldemort est présente partout et également dans le monde moldu, parce que voilà, il y a toutes ces choses-là qui peuvent se passer. Donc là, il y a un espèce de renversement d'une règle qui semblait tacite jusqu'ici, qui était que on avait quand même l'impression que le monde des sorciers et le monde des moldus pas se mélangeaient pas tellement, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des moments, des passages, mais ils ne se mélangeaient pas. Là, on voit vraiment depuis le début, on nous dit que ce serait problématique que les sorciers, que les Moldus voient les sorciers. Là, on voit pourquoi, quoi. On voit ce qui se passe quand les Moldus voient les sorciers, la violence que ça génère. Et c'est vachement intéressant. Et ça, Yates le développera vraiment vachement, vachement plus dans les animaux fantastiques. Mm-hmm. Et tout ça pour dire que c'est toute une série de choix qui sont faits par David Yates qui disent finalement, et ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faudrait comprendre. Qui n'est pas tellement pensé par les gens qui parlent de ce film-là, il faudrait comprendre que David Yates, c'est pas parce qu'il dit les choses autrement et en faisant différents choix de mise en scène, de machin, de cadrage et surtout d'intrigue, hein, par rapport au film qu'il n'a pas compris le livre. Au livre, pardon, qu'il n'a pas compris. C'est tout le contraire. Il a très bien compris le livre. Et il tire l'essence du livre pour en faire autre chose. C'est là qu'on voit que David Yates, est-ce qu'on peut dire que c'est un auteur, je ne suis pas sûr, parce qu'il avait tellement de peu de films, que je ne suis pas sûr, mais qui pense ce qu'il adapte. Qui connaît très très bien ce qu'il adapte, David Yates. Faut pas penser que c'est un faiseur qui est là juste pour faire des films. Il connaît parfaitement bien Harry Potter. Il les a lus, c'est un fan absolu. Et je trouve que ce qu'il en fait, c'est vraiment une œuvre très intéressante. Et je dirais que ce que je reprochais à Harry Potter 5, ici, fonctionne particulièrement bien pour moi dans le 6ème. Et par ailleurs, en termes de mise en scène, pour moi, c'est le plus beau, hein, celui-ci. C'est-à-dire que le travail de Del Bonnet sur la photographie est somptueux. Je veux dire, c'est un film qui est magnifique. Regardez, il y a tous les tons pâles dont on parlait. Voilà, c'est plutôt les tons bleus dans le troisième. C'est magnifique ou pas. Il y a des moments où... Voilà, sincèrement, c'est pour le coup, c'est encore une fois... La scène dans la caverne à la fin... Moi, je trouve ça sublime. Il y a des gens qui trouvent ça... Visuellement, il y a de très bonnes idées. Mais alors, par contre, en qualité d'image, il y a des problèmes, hein. Ah, je trouve pas, personnellement, mais... Ça pixelise énormément, et ça m'a fait la même chose, que ce soit en Blu-ray ou en DVD. Ah, j'ai pas trouvé, mais bon, d'accord. Le traitement de l'image est trop sombre, en fait. Sincèrement, je m'en rends pas compte, mais je trouve que c'est... bien la prochaine. Je trouve qu'en tout cas, que c'est très, très travaillé. Moi, c'est celui que je prends le plus de plaisir à revoir, et même en termes de... On parlait tout à l'heure du 4 et du rapport au personnage par rapport à la sexualité, ce genre de choses. Je trouve que là, ça fonctionne vachement mieux, quoi. On les voit dans leur quotidien. Et c'est pas... j'aime beaucoup American Pie, hein, mais c'est pas American Pie non plus, quoi. C'est-à-dire que on les voit dans leur quotidien, dans leur peine de cœur, ce genre de choses. Mais c'est simplement le quotidien. Et c'est là que ça se rapproche un peu du Quaron, encore une fois, quoi. C'est-à-dire que c'est... On montre simplement... En quoi ces personnages héroïques ne sont pas que ça, mais sont aussi des humains. Et je trouve ça vachement mieux et plus travaillé que dans le bouquin, moi, cet aspect-là. Après, voilà, pour finir, il y a un petit défaut, mais qui vient aussi du bouquin, qui est qu'en fait, il s'appelle Harry Potter et le prince de sang mêlé, et qu'on comprend pas tellement pourquoi quand on voit le film, parce que c'est quelque chose qui est finalement très secondaire, et qui semble très secondaire, et finalement, moi, je trouve pas que dans le bouquin, ce soit tellement mieux, plus traité, en fait. Très sincèrement. D'accord. Les gens disent c'est scandaleux que ce soit comme ça survolé alors que c'est le titre du film. Bon, je trouve pas que le bouquin soit particulièrement mieux à ce niveau-là. Mais et voilà. Et enfin, le traitement du jeune Voldemort, je trouvais très bien fait. On pourrait en avoir plus sur son passé dans le bouquin. Il y a énormément d'éléments. Mais est-ce que c'est fondamental que ça ? J'en suis pas tout à fait convaincu. C'est mon avis en tout cas. Et par ailleurs, le jeune gamin là qui joue Voldemort est très bien. Et pour l'anecdote, c'est le neveu de Ralph Fiennes qui lui-même joue Voldemort homme. Voilà. Adulte, c'est ça. Donc tout ça pour dire que moi, le 6ème, c'est une espèce de... C'est un film qui est extrêmement travaillé et je trouve vraiment le plus osé de tous, en fait. Et c'est ça qui me plaît vraiment, c'est oser l'adaptation et comprendre qu'une adaptation, respecter la sève d'un roman... C'est pas en respecter nécessairement la construction, en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que Yates a très bien compris. D'accord. Ok. Mais justement, moi, je voulais continuer, en fait, sur cet aspect teenage romance, mais qui est beaucoup mieux travaillé, justement, que dans le 4. Les scènes qui m'ont le plus marqué dans ce film, c'est clairement celle, par exemple, où Hermione voit Ron choisir son admiratrice plutôt qu'elle, et où arrive à la consoler, mais d'une façon, enfin, c'est fait d'une façon très subtile, et on sent directement que c'est pas le même réalisateur que le 4 qui fait la scène, quoi. Et même quand Ron arrive tout joyeux, etc., et qu'il les voit sur les marches d'escalier, je trouve que cette scène est vraiment très très bien réalisée, en fait, et ça montre toute la peine de cœur qu'a Hermione face à Ron. Ça, c'est juste une petite scène dans le film, mais il y a pas mal d'exemples de ce genre de subtilité, de réalisation qui sont vraiment bien dans ce film. Et moi, j'ai énormément apprécié tout l'aspect, justement, encore un peu enquête, de savoir qu'est-ce qui se dit dans ce souvenir de... alors maintenant, je vais avoir des trous de mémoire parce que je ne connais pas tous... le professeur qui dit le mot, enfin, qui dit le secret des, voilà, Slughorn, qui dit, enfin, comment faire un Horcrux à Voldemort, à Tom Riddle, quand il est petit, enfin quand il est petit, quand il est à Poudlard. Quand il est ado. Quand il est ado. Tout cet aspect-là, en fait, où on cherche ce qui se dit dans ce souvenir qui a été modifié, pour pas que justement Slughorn passe pour quelqu'un qui a aidé Voldemort à devenir immortel, ou quasiment. Et du coup, moi, tout cet aspect-là du film m'a beaucoup plu. La réalisation, je la trouve très bonne aussi. Le fait comme t'as dit Adrien, que le monde des Moldus est enfin un peu impliqué et qu'il est moins mis, enfin bien sûr c'est notre monde entre guillemets comme t'as dit, mais il est moins mystérieux que ce qu'il était dans les précédents, quoi, et du coup c'est intéressant de voir ça. Moi c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé 2-3 petites longueurs quand même à certains moments. Oui, il prend son temps. Hein. Il prend son temps, voilà. Mais c'est pas non plus, c'est pas dans longueur où je me dis ah. On s'ennuie pas, quoi. C'est juste par rapport aux autres moments du film, on se dit ah il y a une petite baisse de rythme, mais voilà c'est pas très grave, quoi. Donc, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop quoi dire d'autre. Eddie, toi ? Moi, c'est un film que j'aime énormément parce que il fait, à la fois c'est marrant parce que quand on regarde il y a beaucoup de scènes et de plans qui font référence au reste de au précédent film et qui, dans la manière d'être mis en scène, rappelle les précédents films qui étaient moins sombres parce que Voldemort n'était pas revenu déjà. Et là, en fait, ça repose les enjeux en disant là, on rigole plus. Il y a une vraie menace qui pèse sur le monde de la magie. Oui. Et le monde tout court, oui, bien sûr. Et c'est assez signifié dans la mise en scène. Donc ça, je trouve que c'est un excellent point, parce que ça fait partie des petits détails qu'on repère pas forcément tout de suite, mais qui ont leur importance quand même, malgré tout, inconsciemment. Et ensuite, c'est un film que j'aime beaucoup, parce que on traite les personnages non pas juste comme des sorciers avec des pouvoirs, mais aussi comme des êtres humains. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, Hermione me touche beaucoup ici. Et on comprend à travers le personnage d'Hermione ce que ressent Harry aussi. Oui, et les deux ont une. Il y a une espèce de symbiose entre les deux. Et même si Harry et Hermione ne finissent pas ensemble, je trouve qu'ils sont, presque des âmes sœurs, en fait, tous les deux. Et ce sera renforcé dans les deux autres parties. Ouais. Donc je trouve que sur la psychologie des personnages, le film est très intéressant, et notamment aussi autour de Drago, qui devient véritablement intéressant en tant que personnage et pas juste en tant que Drago Malfoy, l'ennemi juré de Harry Potter. Au final, on comprend que c'est pas des ennemis plus que ça, c'est juste que c'est des personnages qui n'évoluent pas sur le même plan. Voilà. Absolument, oui. Donc, c'est un film très intéressant qui en termes de rythme est un petit peu plus décousu parfois, mais je pense que c'est vraiment, en fait, faut juste se laisser porter par l'ambiance. Et encore une fois, on est toujours vraiment dans le quotidien de ces sorciers, donc on pourrait se dire que l'univers est un peu laissé de côté, mais non, en fait, c'est juste que maintenant on prend l'habitude aussi de tout cet univers magique, et du coup on n'a pas besoin de signifier chaque instant comme étant. C'est aussi à partir de ce film là que par exemple beaucoup de sorts sont lancés sans être forcément prononcés, ils sont reformulés. Absolument. Et ça participe aussi à tout ça. Il y a aussi Severus qui se dévoile beaucoup plus et qui prête allégeance à Voldemort parce qu'il n'a pas le choix, parce que Bellatrix Lestrange lui fait prononcer un serment inviolable. Et du coup, tout l'aspect, la mécanique est vraiment mise en marche dans ce film là, je trouve. La mécanique de la fin de la saga Harry Potter. Et on pourrait dire que tout est perdu parce qu'ils ont perdu Dumbledore, et en fait, il va falloir qu'ils se débrouillent tout seuls. Et là, il va y avoir du coup tout le côté un peu quête du prochain. Oui, puisque les Horcruxes sont... Enfin, le mot est vraiment prononcé vers les 30 dernières minutes. Bah, il faut les déceler, quoi. On comprend que, voilà, qu'il faut les déceler et que Harry en a déjà détruit un. Ouais. Que Dumbledore a essayé d'en détruire un. Enfin, on a détruit un, on a détruit un, mais qui, du coup, il a... C'est quoi, c'est lequel qui détruit ? C'est la bague des gommes ? C'est la bague. Ouais. La bague, ouais. Et qui, du coup, il en est ressorti avec une affliction sur la main, qui s'arrêtait à la main, mais qui devrait, ça on comprendra plus tard, qui devrait se développer plus sur le corps. Ah oui, bah oui. Voilà. Et même là, on peut y voir, c'est Dumbledore vieillissant, qui est, on l'a toujours connu vieux, mais il y a une notion. Après, moi, je fais peut-être des liens avec mon boulot aussi, mais j'ai un peu l'impression de voir un personnage en fin de vie. Et je le trouve assez touchant, en fait, aussi, Dumbledore, dans ce film-là. Et on ressent qu'il a beaucoup d'affection aussi pour Harry. Ouais. Et je trouve qu'il est vraiment très, très bon, Michael Gambon, en fait, dans ce film-là aussi. Absolument. Et il le campe vraiment bien. Et c'est vrai que on explore aussi la sensibilité de Dumbledore dans ce film-là, et il y a vraiment, c'est un film qui est fait de plein de petits éléments qui le rendent vraiment très intéressant, et c'est pour ça que c'est dommage qu'il soit aussi sous-estimé, parce que c'est probablement vraiment l'un des meilleurs de toute la franchise. Donc voilà, moi c'est un film que j'aime énormément et que je revois toujours avec beaucoup plus de plaisir, et que j'apprends de plus en plus à aimer d'ailleurs, donc je suis assez content de ça, parce que c'est vraiment un film qui se dévoile à chaque visionnage. Ouais. Moi je pense aussi, parce que ça prend son temps, mais en même temps il y a tellement de points d'intrigue qui se développent dans celui-ci que je sais pas si j'ai tout compris, si j'ai bien compris toutes les nuances, etc. Du coup, je pense que, et même dans mon classement, ça se ressentira, c'est un classement provisoire, le temps que je lise des bouquins et que je passe peut-être à un revisionnage aussi. Parce que, à mon avis, de toute façon, après avoir lu les bouquins, t'auras envie de te les refaire. Oui, voilà. Parce que tu vas avoir envie de déceler dans tout ce que tu as pu lire, tout ce qu'il y a dans les films. Ouais. C'est ça, exactement. Et puis notamment, toutes les questions de choix qu'Adrien évoquait aussi, t'auras envie de faire un avis. Oui, ouais, non, ça c'est clair, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui a été coupé. Tu te pencheras plus sur l'adaptation, du coup. Exactement. Donc, plus que... Là, je les ai vus vraiment comme des films, tu vois, et sans avoir en arrière-pensée le matériel original, quoi. Donc, cinématographiquement parlant, c'est vrai que moi je trouve qu'il y a vraiment des images fortes dans ce film-là. Et j'ai toujours ce plan qui me reste en tête où Severus dévoile qu'il est le prince de Sang-Mêlé. Et il y a ce plan large où ils sont tous les deux face à face, Harry et Severus, et il y a le château en arrière-plan. Et eux, en fait, ils sont au niveau de la cabane d'Hagrid, en fait. Et il y a la colline. Et c'est vraiment de belles images comme ça qui reste, et c'est ce que j'aime aussi dans la réalisation de David Yates, et c'est ce que faisait un peu Alfonso Cuarón, et je pense que c'est là qu'on peut faire des liens entre les deux, c'est que le château de Poudlard est un personnage part entière, en fait, et on s'y attache, nous, aussi, en tant que spectateurs. C'est pour ça que le 7.2 joue aussi sur notre émotion, c'est parce que Poudlard s'en prend plein la gueule. Ça, on y reviendra, mais c'est vrai que je trouve que dans les réalisations, là, il y a des liens comme ça qui se font, et c'est vrai que Poudlard est un personnage, c'est presque un personnage qui respire, il y a la salle sur demande, il y a plein de... le seul film qui me rappelle un peu ça, c'est Titanic, où le bateau, finalement, est un peu un personnage comme ça, quand il coule, on a presque l'impression qu'il souffre, quoi. Et je trouve que c'est assez bien rendu dans la mise en scène, et c'est vrai que je retrouve ça dans Harry Potter. Il n'y a pas beaucoup de films comme ça qui arrivent à personnifier des choses qui ne sont pas vivantes, en fait. Donc voilà, moi, c'est plein d'éléments comme ça qui me plaisent. Et je pense que c'est que ça touche aussi à une sensibilité qui est propre à chacun. Moi, je sais que dans des films, c'est ce que j'aime voir aussi. quand la mise en scène parle un peu de tout comme ça et touche à plein de petits éléments qui font que, bah, alignés les uns derrière les autres, on a quelque chose de grand, en fait. Et je pense que l'histoire d'Harry Potter se joue autant dans les petits éléments que dans la grande narration qui est le fil rouge de toute la saga. Et ce film-là en est un très bon exemple. Ouais, parfait. Oui, je voulais juste revenir sur le point de Drago, du coup. Est-ce que dans le... Du coup, on en parlait dans le cinquième, mais c'est vrai qu'il fallait plus en parler dans le sixième, puisque là, on le voit pleurer. Oui, il a une sensibilité, non, mais... Drago, hein, mais c'est on ne la montrait pas, en fait. Mais voilà, c'est ça. Mais du coup, je voulais savoir si c'était plus développé dans le bouquin. Moi, je trouve, hein. Adrien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi... Par rapport à Drago, si, effectivement, le sixième développe pas mal des choses. Je ne sais pas si ça allait beaucoup plus dans les bouquins, je n'ai pas le sentiment, mais c'est vrai que le sixième est de toute façon un passage important, qu'il s'agisse des bouquins ou des films, pour sa personnalité. Ouais. C'est-à-dire que c'est plus simplement le mec qui cherche Harry en permanence, machin, mais ça devient celui dont on comprend que son allégeance au Seigneur des Ténèbres est beaucoup plus une question d'héritage familial et de peur. C'est très insidieux, en fait. Et de peur qu'une véritable allégeance, en fait. Et ça, c'est très important, et notamment pour la suite, où on verra que c'est peut-être aussi le cas, notamment pour la mère de Drago, Narcissa, qui a droit à son moment de gloire aussi à la fin. Exactement, ouais. On va passer au dernier film qui a été coupé en deux. Du coup, on va passer à la première partie. On le traite comme un seul et même film ou On compte comme deux films parce que c'est plus. Enfin, c'est quand même. C'est des films très différents. Oui, je suis d'accord. Donc, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1, qui est sortie en France le 24 novembre 2010 et au Royaume-Uni, États-Unis, 19 novembre 2010. Toujours réalisé par David Zaitz, toujours scénarisé par Steve Kloves, Alexandre Desplat à la musique, la septième et dernière partie des bouquins coupée en deux pour cette première partie. Je voudrais savoir par rapport au bouquin, est-ce que toi, Adrien, tu penses que c'était justifié de le couper en deux? Ou alors, est-ce que... Enfin, moi, je pense que clairement, il fallait le couper en deux parce que tu aurais jamais pu raconter tout ça dans un seul film. Mais par rapport au livre, est-ce que c'était justifié ou pas? Écoute, avant de voir les films, j'aurais dit que non. Et après avoir vu les films, je me rends compte que ce film-là... très porté sur le fait de prendre son temps, le fait de suivre une quête à la fois épique, mais à la fois aussi une quête de personnage, une espèce de quête initiatique où ils vont dans différents endroits, où ils y prennent leur temps, où ils y vivent un peu, ce genre de choses. En fait, et en se focalisant dans la deuxième partie beaucoup plus sur la bataille de Poudlard en elle-même, et en fait, une bonne idée. En fait, c'est une bonne idée. L'idée a très certainement été motivée, quoi qu'ils en disent, pour des raisons financières et commerciales, plutôt que pour des raisons d'intrigue, mais je trouve que ce qu'ils en ont fait est pertinent. Je sais pas si c'est si financier que ça pour Harry Potter. Autant pour Twilight, oui. Ouais. Mais pour Harry Potter, pour moi, en fait, les autres sagas type Twilight ou Hunger Games ont suivi la démarche du dernier film coupant en deux parce que ça rapporte un max. Mais ils ont vu qu'on pouvait qu'ils pouvaient le faire, du coup ils l'ont fait. Mais Harry Potter, je suis pas si sûr que ça parce que il y a beaucoup d'éléments quand même. Hein. Je pense que c'est plus clair de l'avoir séparé en deux. Moi, je trouve. D'accord. J'avais cette idée que c'était financier. En fait, en voyant le film, je me suis dit, bon, quand bien même c'est financier... ça reste utile, quoi. C'est utile et c'est bien fait, quoi. Ouais. Pour pas dire indispensable, même, je pense. Oui. Oui, clairement. Parce que là, s'il avait essayé de compacter tout ce qu'il y avait... Il aurait fallu faire un film de 3 heures, quoi. C'est peut-être pas utile non plus. Et puis même 3 heures. Parce que les Reliques de la Mort, partie 1, fait quasiment 3 heures. Il fait 2h30 quasiment, ouais. Enfin 2h20, quelque chose comme ça. Donc, Voilà. Du coup, Eddie, toi, qu'est-ce que tu penses de ce premier film déjà, la première partie de ce septième film? Ah, mais moi, il fait clairement partie de ceux que j'adore. Oui. Il est parce que encore une fois, on est beaucoup plus sur la psychologie des personnages et je les trouve je les ai jamais trouvés aussi intéressants que quand on explore leur humanité en fait. Ouais. Et c'est pourquoi ce film-là, moi, me plaît beaucoup parce que ils existent au-delà de leurs conditions de sorcier et ça les empêche pas d'être puissants et de garder cette aura vraiment particulière qu'il y a autour des personnages d'Harry Potter. Mais c'est vrai que c'est tout bête, mais le début du film avec Harry Potter, avec Emma... Oh merde! Avec Hermione qui est obligée d'oublier T. Oui, d'effacer la mémoire de ses parents, oui, absolument. C'est assez déchirant, quoi. Quand c'est une très belle scène. On s'intéresse un peu aux personnages. Et de toute façon, toute l'ouverture du film est assez belle et l'ouverture du film presque donne le ton de ce que vont être la partie 1 et la partie 2. C'est que ça va être constamment une oscillation entre la bravoure et l'épique et l'intimisme, en fait. Oui, absolument. Ouais, Et moi, je préfère les Reliques de la Mort partie 1 à la partie 2. Oui. Parce qu'il y a des scènes qui me plaisent un peu moins dans la partie 2, même si c'est un film que j'aime beaucoup, mais parce que je trouve que la partie 1 est assez jusque-boutiste et va vraiment au cœur de, va vraiment au bout de ce qu'elle veut raconter. Voilà. Ouais. Je trouve que le scénario prend son temps, mais en même temps, c'est tant mieux. Et en même temps, on est sur les derniers films qui composent une saga. On est là aussi pour dire au revoir à ces personnages. Et c'est important de les développer à fond et de pas faire ça à la truelle, comme disait Adrien. Oui, c'est ça. C'est le fait d'avoir coupé en deux parties à cet avantage, hein, qui est qu'on peut développer les choses, quoi. C'est ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, les Reliques de la Mort, le premier, j'avais pris énormément de plaisir à le voir au cinéma et j'adore le revoir à la maison. Même s'il y a toujours des scènes qui sont dures, hein, parce que la scène de Dobby, moi-même la scène avec Edwige, ça m'emmerde. Edwige, ouais, c'est un peu survolé, ouais. Ça. Ça fait chier, quoi. C'est sa chouette depuis le début, quoi. Et en plus, elle le fait. Et dans le livre, ils expliquent qu'elle essaie de le protéger, en plus. Ouais. Et dans le film, il le survole un petit peu, mais ça c'est pas chouette. Pas... Hein? Non, je disais, il le survole, c'est pas chouette. C'est pas chouette. Mais. Et surtout, ils sont en moto volante. Ouais, voilà. C'est que c'est fait au détour d'une scène qui est quand même super cool, visuellement parlant. Ouais, donc voilà. Attention. Hein. Il y a plein d'éléments, moi, qui me séduisent dans ce film. Notamment le... Les plans comment dire c'est presque un film contemplatif. T'as l'impression d'être passé dans un film de quand même pas de Terrence Malick. Ouais, non. Mais voilà quoi. Il y a certains passages clairement qui sont très contemplatifs. Et on sent que c'est un film où la caméra se pose beaucoup plus que sur les autres. Ah oui, non, c'est et clair. Ce qui est pas un mal, hein, parce que il y a plein de choses. Mais à contrario, il y a des scènes beaucoup plus énergiques. Moi, je pense toute la scène au ministère de la magie où il essaye de pénétrer génial, dans le bureau de Ombrage. Et en plus, il y a la sous-intrigue des personnages dont ils ont pris la forme. Oui, oui, qui, oui. En fait, ils vont se prendre de sympathie et du coup essayer de sauver. Le polynectar. C'est ça. C'est génial, quoi. Franchement, ça, c'est. Et Ron finit même par être concerné par le destin de sa non-épouse. Voilà, oui, il dit « ma femme m'attend en bas ». Oui, c'est une très bonne idée. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est très... Moi, je trouve ça... Et encore une fois, on a cet humour qui est bien dissimulé. Oui, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est plein d'humour, ce film. Ouais. Et en même temps, c'est très sombre et c'est très triste. La scène avec Dobby sur la plage, alors moi... Oh non, mais moi j'étais pas bien. Non, moi non plus. Moi, j'étais vraiment en pleurs, mais je crois que j'ai jamais pleuré comme ça. Non, Dobby est heureux puisqu'il est avec son ami. Oh là là. Alors là, c'est bon, vous pouvez m'oublier. Hein, c'est bon. Là, moi j'ai... moi j'étais mais enfin je m'y attendais pas vraiment, je m'y attendais pas du tout à la mort de Dobby, et du coup ça m'a transpercé le cœur quoi, vraiment. C'est... Bah, puis Dobby c'est l'innocence quoi, c'est il fait rien dans son intérêt. Dobby, il est vraiment il a voilà, Dobby c'est il a été exploité toute sa vie, et du coup il ferait tout pour ses amis quoi. Il a Dobby c'est la compassion en fait qui l'habite plus voilà, plus que l'intérêt. Il est très altruiste en fait envers Harry, Ron et Hermione. Ouais, donc ouais. C'est pour ça que c'est d'autant plus dur parce que bah le pauvre quoi, c'est lui qui prend alors que il n'a fait que qu'aider en fait. Oui, et puis enfin voilà quoi, c'est déchirant quoi. Et puis cette scène elle est super bien filmée aussi. Et puis pour le coup en plus là visuellement on est vraiment sur un film qui est très abouti. C'est... Donc Dobby paraît encore plus réel, donc il y a c'est un film qui arrive je trouve qu'en termes de ton, c'est un film qui arrive parfaitement à jauger chaque séquence en fait. Donc, même sur la violence, c'est un film qui est plus frontal aussi. Enfin, Ron a carrément l'épaule déboîtée à un moment. C'est... Oui. Il y a plein. Ah, c'est oui. Assez. Et déchiqueté quasiment. Oui. Et oui, parce qu'elle est obligée, avec le dictame et tout ça, il y a plein de. Ouais, c'est ça. Elle est obligée de le soigner et c'est assez. Voilà, bon, on voit pas son bras, on voit pas l'os ressorti, mais quasiment. Et il y a plein de. C'est plein de détails comme ça. Et puis il y a quand même cette séquence vraiment géniale en animation. Le conte des trois frères. Sublime, sublime. Hein. Ouais. Voilà. Sublime. Ouais, franchement, magnifique. Hein. Moi, je n'y attendais pas du tout et c'est. C'est super bien fait, hein. Franchement. T'as vraiment l'impression. Enfin, tu t'es plongé dans un film d'animation. Ah, moi, je pourrais voir un film d'animation que comme ça, hein, si ça existait. Clairement. Ah, oui, non, mais vraiment. C'est clair et c'est magnifiquement bien raconté, etc. Enfin, voilà. C'est... Et puis, ça explique bien l'histoire des reliques de la mort. Oui, ça n'a pas besoin de surexplication, voilà. C'est ça qui est bien aussi. Ça prend pas ses spectateurs pour des gosses, quoi. C'est très bien fait, je trouve. Et puis, il y a cette. Et puis, au-delà de ça, après, plus généralement, il y a cette aura vraiment pesante tout le long du film. Oui, où la menace est là, quoi. C'est ça. Dumbledore n'est plus, et Voldemort règne, clairement. On le voit bien au début avec. Bah, la scène du conseil où il y a une des profs de Poudlard qui finira par se faire dévorer par Nagini, la prof d'études des Moldus, hein, je crois que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais. Et là, c'est pareil, ça révèle aussi beaucoup de choses sur Severus. On comprend à demi-mot que. Bah, lui aussi, il a les pieds. Il a les mains liées. C'est ça, quoi. Donc. Donc non, c'est un film qui est beaucoup plus en nuances. Et c'est ce qui lui est permis justement par le fait qu'il soit coupé en deux parties. La partie 2 l'est peut-être un peu moins, mais c'est pas pour autant qu'elle est moins intéressante. Oui, elle est plus axée sur l'efficacité, mais ce qui paraissait logique aussi. Donc, donc voilà, moi c'est un film que j'aime énormément, celui-ci. Oui, je pense que c'est un de mes préférés, hein. Je vais pas encore dire où il est dans mon classement, mais franchement, rien que la cinématographie du film, pour moi, elle l'emporte sur beaucoup de choses. Hein. Non, on peut pas dire que David Yates ne fait pas de mise en scène, je suis désolé. Mais bien sûr. Ah non, mais c'est la mauvaise foi que de... voilà. Oui, de dire le contraire, clairement. Moi franchement c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire avec son histoire de cappuccino, voilà. Il y a une espèce de mélancolie latente comme ça tout le temps. Et puis aussi tout cet aspect où Ron, Hermione et Harry doivent fuir un peu et en même temps ils sont toujours en mouvement, en train de et se puis cacher, il y a un moment elle le dit mouvement. Hermione quand ils arrivent à Square Grimaud et il y a un sortilège de protection et elle dit nous sommes seuls, et c'est vrai que dans ce film là ils sont vraiment seuls, ça se sent, on ressent bien ça. Et du coup le moment où Ron portant du coup le l'Horcrux, le médaillon de Serpentard, voilà, merci, en fait le fait de le porter ça te rend c'est un peu comme Frodon avec l'anneau, ça fait ressortir tes mauvaises pensées. Exactement, exactement. Et du coup, il pense que Harry et Hermione sont ensemble. Ou alors, voilà. Et du coup, bon, lui qui n'a toujours pas déclaré son amour pour Hermione au bout du 6-7e film. putain, quand c'est arrivé au 7e partie 2, j'ai dit putain, enfin. Quoi. Non, enfin, c'est pas possible. Bah, tu viens seul parce que je peux dire que la plupart des gens étaient plutôt quoi ? Mais on voulait qu'elle soit avec Harry. Pourquoi il est avec Ralph ? Oui, non, mais les gens sont un peu cons, hein. Non mais ils sont cons. En vrai, pardon, ça se voit depuis 4, hein, je veux pas te dire, mais même avant. Hein, voilà, non, même avant, dans le 3, ce tu sens pas que une Ron. Surprise. Non. Voilà, Ron, quand il dit. Moi j'étais plutôt en mode Hermione, enfin. Alors qu'en revanche, Harry Ginny, ça passe, hein, ils sont fous les gens un peu. Oui, voilà, bah oui, clairement. Donc. du coup voilà, moi tout cet aspect là où on développe la psychologie des personnages, où on prend son temps, etc., moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, parce que je trouvais qu'on survolait, enfin c'est pas le mot, parce que on en explorait quand même plus dans les films précédents, mais là vraiment on prend son temps pour explorer et développer les intrigues entre les personnages, quoi, et les dialogues sont très bien écrits, du coup c'est très crédible, quoi, on a l'impression que ça sort vraiment de la bouche de quelqu'un qui a 17 ans, quoi, c'est pas des dialogues d'un quarantenaire, oui. Ou voilà, et puis il y a le fait, voilà. Aussi forcément on est en fin de saga, donc puis alors c'est le truc, c'est que bon, là par exemple toi Axel, tu t'es refait toute la saga pour le podcast, ouais. Mais ouais. Moi je me rappelle que en salle j'étais dans le contexte, ça faisait 10 ans d'Harry Potter. Oui, et voilà, on était, et voilà, et on se dit, on les a connus tout petits avec leurs bonnes joues, machin, et là c'est des. Et on les a connus avec leur petit chapeau pointu, ils rentrent à Poudlard, et là c'est fini, c'est la fin, c'est. Va falloir leur dire au revoir, ils ont grandi, machin, et il y a vraiment cette notion aussi d'évolution des personnages, mais aussi des acteurs. Et c'est vrai que quand tu as grandi avec Harry Potter, ce qui était mon cas, et j'en suis très heureux, t'es tout le temps sur la corde sensible, en fait, au niveau de l'émotion. Ouais. Donc, autant vous dire que tu allais au cinéma avec ton paquet de Kleenex, parce que tu savais que de toute façon, c'était quasiment certain que tu allais purger tes glandes lacrymales. Ça, ouais, c'est non, sûr, c'est mais tu y allais pas que pour ça, mais en même temps, c'est pas faire le deuil d'une saga, mais on en est presque là, quoi. C'est que c'était la fin, quoi. Toutes les bonnes choses ont une fin, et moi, ça fait partie de ces films où j'ai vraiment pris conscience de ça. C'est la première fois, finalement, que je vivais la fin d'une histoire avec des personnages comme ça. Oui, je comprends parfaitement. C'est comme. Mais. Avengers, c'est Endgame, c'est une autre génération, on peut le dire. Ben oui, c'est pas que ça m'a pas plu, mais c'est pas pareil, quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Mais. justement, je trouve aussi la dualité, en fait, du fait que ce soit un film qui est très oppressant, etc. On sent une ambiance maléfique un peu autour du film tout le temps. Mais en même temps, on propose des espaces gigantesques, on respire enfin, on sort de Poudlard, etc. On sort de la ville, on voit des paysages gigantesques. C'est le paradoxe, c'est très intéressant, je trouve, justement avec la réalisation qui. Puis les décors naturels sont magnifiques. Non, mais les décors naturels, enfin voilà, c'est sublime, hein, c'est digne d'un Seigneur des Anneaux, clairement. Ah oui, pour certains. Adrien, on t'a pas encore entendu parler. Écoutez, vous avez beaucoup dit. Moi, je voulais ajouter que le film aurait pu être réalisé par Guillermo del Toro. Et finalement, encore je jure, mais c'est vrai. Mais à chaque film, il était proposé. Oui, mais celui-là, il y avait Shyamalan aussi. Oh là là. Bon, je n'en rêve pas. Alors, je sais pas ce que ça aurait donné, là. Mais que ce soit chez Madame Del Toro, là, moi, je regrette pas, parce que David Yates a réussi dans ce film-là à trouver un style de quasi-documentariste qui est quand même incroyable. C'est incroyable comme c'est réalisé, ce film-là. On est vraiment dans l'intimisme. Et c'est pour ça que pour moi, c'était très intéressant, justement, de parler de... Très important de parler d'Harry Potter 7, partie 1 et partie 2 séparément, parce que du point de vue du style et de la réalisation et des choix de construction d'intrigue, ils sont très différents, tous les deux. Et cette première partie est, comme je le disais, beaucoup plus intimiste et beaucoup plus proche des relations de ces personnages, parce que si tu résumes ce film-là, il se passe pas grand-chose. Non. Il y a des événements importants. Hein. Il y a la banque Gringotts. Non, Gringotts, c'est dans le deuxième. Il y a le passage du ministère de la magie. Il y a le mariage. Il y a des événements un peu cardinaux. Mais il n'y a pas cet aspect. On aurait pu craindre que cette histoire de quête soit prétexte à chercher un Horcrux après l'autre, et donc un lieu après l'autre, et un truc épique, une épreuve après l'autre. Moi, c'est ce que j'avais peur aussi. Hein. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est que finalement, c'est une quête, mais c'est une quête qui se fait dans la méconnaissance et dans l'ignorance la plus totale de ces personnages. Et puis la quête, elle est psychologique pour vous. Oui, pour et ils tombent quasiment par hasard sur les Horcrux dans ce film-là. Hein. Et notamment sur l'épée de Gryffondor qui est pas l'Horcrux mais qui est importante pour les détruire. Ils tombent dessus parce qu'ils sont dans le coin et que Rogue il leur envoie une bichette par Patronus. Ouais. Donc je trouve ça vachement intéressant du point de vue de la construction et des pensées, des psychologies des personnages. C'est vraiment très très bien fait. Je trouve que Ron là il explose parce que voilà, on nous fait comprendre que ce type là est quand même resté très très souvent bien entouré, bien choyé, contrairement à Harry qui n'a connu quasiment que le désespoir. Donc lui, cette situation, il s'en accommode. Hermione, elle est adaptable comme pas deux, donc évidemment, elle s'en accommode aussi. Mais Ron, qui a toujours connu d'avoir une grande famille autour de lui, même s'il n'avait pas connu forcément le confort de vie, parce que pas le confort de vie, mais quand même, il mangeait bien, il était entouré, il avait chaud. C'est ça, il a toujours eu l'amour de sa famille, ce qu'Harry n'a jamais eu. Voilà, c'est ça. Même si avec les Weasley, il trouve une famille d'adoption, Harry. Hein. Parce que clairement, Molly Weasley, c'est un fils pour elle. Donc quelque part, il y a tout ça qui tourne dans sa tête, et le fait que l'Horcrux révèle ses pensées les plus sombres, ça fait pas la même chose que ce que ça fait à Harry et Hermione. Lui, on voit bien que c'est différent, on voit bien que là, il y a plein de choses larvées qui n'ont jamais été dites, et c'est pour ça que le quatrième est pas très réussi d'ailleurs. C'est parce que c'est là qu'on aurait pu avoir l'exploration des premiers sentiments de Ron. Or là, c'est un peu caricatural et survolé. Donc là, du coup, dans le septième, on voit toutes ces choses larvées dans le septième, et qui explosent, quoi. Et c'est vachement intéressant. Et c'est pour moi l'intérêt de ce septième film, et beaucoup plus, même si évidemment la séquence animée pour la rue de la mort est magnifique, l'univers est très bien développé, et il y a plein d'éléments importants pour la suite de l'histoire et d'éléments épiques, tout ce que tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Et c'est pour ça que j'aime moins la deuxième partie, d'ailleurs. Je l'aime beaucoup, mais je l'aime moins. Parce que ce film-là, la première partie, est pas dans l'épique, est pas dans le machin, elle est dans quelque chose de très intime. Et vraiment dans une construction de personnage qui est intéressante, quoi. Donc, je trouve que c'est quelque part, c'est osé, encore une fois. David Yates, il ose quelque chose. Il ose un blockbuster très... j'allais dire minéral, c'est pas vraiment le mot, mais très, tu vois ce que je veux dire, très, très, très brut, en fait. Et un côté très subtil. Le deuxième, il est un peu moins aussi. Là, ce film-là, il est très subtil, c'est-à-dire que c'est pas surexpliqué, toutes ces histoires-là de Ron qui s'en va, genre de choses. On ne nous explique pas clairement pourquoi il s'en va, parce qu'on peut très bien comprendre tout seul. On sait même pas où il va. Et quelque part, là, le bouquin était plus développé, c'était peut-être dommage, quelque part, qu'on nous explique autant. On nous explique quasiment pas pourquoi il s'en va, on sait pas où il va, on sait pas où il est pendant ce temps-là, je trouve ça très bien, il y a un côté mystérieux et très subtil qui fonctionne vraiment très bien, et je trouve que là, Yeltsin, il a fait un travail mais considérable, quoi. Vraiment un travail, encore une fois, de créateur, vraiment. Je pense qu'on va passer à la deuxième partie de ce septième et du coup le dernier film, le huitième film de la saga Harry Potter, sorti en France le 13 juillet 2011 et au Royaume-Uni et États-Unis 15 juillet 2011, toujours réalisé par David Yates, toujours scénario de Steve Kloves, c'est exactement les mêmes personnes qui sont derrière le film, et ça a été tourné sûrement ensemble, je pense, enfin les films ont été tournés ensemble, ça c'est... quasiment sûr. Ah oh bah oui. Oui. Il me semble. Enfin, je disais ça, mais j'étais pas sûr à 100%, donc je pense que ça a été tourné comme Le Seigneur des Anneaux a été tourné. Du coup, deuxième film, deuxième partie, dernière partie. et on voit enfin tout ce qui a été mis en place par les films précédents se conclut ici dans ce film de manière, enfin on verra sur certains points d'intrigue, mais moi j'ai pas trouvé tout clair. Alors du coup je vais demander de l'aide à mes compatriotes qui ont vu le film plus d'une fois pour comprendre un peu certaines choses. J'ai exprès pas regardé sur internet pour justement garder cette vision de la comme si j'avais vu le film pour la première fois quoi, donc c'est donc Harry, Ron et Hermione se continuent toujours leur quête pour qu'on continue à trouver les Horcrux. Il en reste deux ou trois il me semble, je suis plus très sûr. Il en reste honnêtement je sais plus combien il en reste, je sais plus. Il reste celui de Ravenclaw, enfin de excusez-moi, c'est quoi la question? Dans le 7.2 tu veux dire? Oui, dans le 7.2 il reste Nagini, il reste le diadème. Il reste le diadème, il reste Harry. Il reste Harry et c'est tout. Il en reste 3. Ok, donc 3, voilà, 3, bien. Ok, donc, comme j'ai posé la question à Eddie avant, je vais... Non, il reste la coupe de poussin aussi, à Gringotts. Oui. Ah oui, exact, ouais, voilà. Oui. Ouais, mais c'est... Ouais. C'est pas grave. Du coup, non, mais c'est moins exploré, je veux dire, on le voit beaucoup... Enfin, oui. C'est clairement, c'est survolé quoi. Adrien, du coup, qu'est-ce que tu as... Enfin, je pense que tu étais très impatient de découvrir ce film, tu l'as vu au cinéma. Bien sûr, voilà. Dès sa sortie. Du coup, est-ce que ce film t'a satisfait sur sa fin, sur le fait que les intrigues se finissent, et est-ce que c'était satisfaisant par rapport au bouquin Écoute, il aurait dû être réalisé par... Non, je déconne, c'est juste parce qu'en fait, c'est la même chose que pour le premier non, film. Non, mais là, franchement, je déconne. Je déconne, parce que David Yates, en fait... Il ne serait pas changé de réalisateur milieu. Hein. Et donc, c'est un final satisfaisant, simplement. Par rapport au bouquin, c'est très réussi, mais certains passages sont, pour le coup, trop fidèlement adaptés. Je pense notamment au passage quasiment à la toute fin où Harry, entre guillemets, meurt... Et il est avec Dumbledore dans le tout blanc, machin. Ça fait vraiment 2000 ans au lycée de l'espace. Mmh. Et c'est pas très bien fait, je trouve. Mais c'était pas une très bonne idée dans le bouquin. Et c'est pas une très bonne idée dans le film non plus, on va dire. Mmh. Au-delà de ça, c'est un film qui, d'un point de vue visuel, est très très réussi. Vraiment très très travaillé. Pour le coup, l'intérêt de celui-là, c'est d'être épique. Hein. C'est pour ça qu'on a des nuées de mange-morts, alors qu'en fait, il devait être 20 en tout dans le bouquin. Mais on s'en fout, ça n'a aucune importance. Et c'est un film qui est très, très travaillé, vraiment très spectaculaire. Et je pense notamment en sens à la toute fin avec Harry et Voldemort qui s'affrontent à la baguette une dernière fois, et où ça pourrait être une scène très relou, avec juste ils pointent un truc quoi, l'un vers l'autre. Et tous ces plans quasiment dessinés sur leur visage, je trouve que c'est très très beau, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Et évidemment, il y a quelques passages un peu nostalgiques, du type quand Harry revient à Poudlard pour se montrer à ceux qui restent, qui ont survécu, entre guillemets, et qui restent. La musique, voilà, c'est facile presque. Mais c'est très, très, vraiment très très bien mais fait. Mais c'est ce qu'on attend de voir aussi. C'est ce qu'on attend de voir aussi, absolument. C'est pas non plus du fanservice outrancier. Donc c'est... Je trouve que c'est un film qui est vraiment très bien fait, qui est tout à fait satisfaisant du point de vue du final. Il n'y a rien qui est laissé de côté. D'un côté, tout est expliqué, et de l'autre côté, rien n'est surexpliqué. C'est vraiment un final, un vrai final. Ils auraient carrément pu écrire The End à la fin, d'ailleurs. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait. Mais c'est, il y a un vrai final. Il y a à la fois une nostalgie, il y a à la fois, c'est pas, comme je disais, du fanservice ou une nostalgie qui serait conservatrice. C'est juste... On nous montre des éléments qui sont passés. On nous montre, comme je disais, quand on parlait du premier film, toute la complexité du personnage de Rogue, qui en fait nous était offerte dès le premier film. Simplement, comme on suit les personnages principaux, on n'y prêtait pas attention. Et je trouve qu'en fait, tout ça est très bien fait. Tous les personnages sont très bien développés. Il y a un souffle épique qui est indéniable. C'est bien fait, c'est un très très bon film. Voilà, c'est pas mon favori, parce que je préfère vraiment l'intimiste documentariste de la première partie que le souffle épique de la deuxième, mais d'un autre côté ça ne pouvait se finir que comme ça, donc je trouve que c'est très satisfaisant. ça dure pas des heures pour rien aussi. Ça, c'est important pour un final, je trouve. Ça dure pas des heures. Et d'un côté, ça rush pas l'intrigue. Il y a rien de très important qui soit laissé de côté. Non, je trouve ça vraiment très bien. Vraiment très bien. D'accord, ok. Eddie. Bah moi c'est pareil, c'est un film que j'aime beaucoup. Après il y a des, c'est vrai qu'il y a des petits passages, il y a des petits passages qui me plaisent un peu moins. J'aime le par exemple le final Harry Voldemort à la baguette. Il est expédié. C'est quoi. Pas forcément ça, mais c'est qu'ils en ont fait quelque chose de très artistique. C'est vrai que dans le bouquin Voldemort voilà meurt. Il meurt quoi. Et c'est vrai que là voilà, ils en ont fait un truc, il part en cendres et tout. Alors c'est vrai, visuellement bien sûr que c'est bien fait à la Thanos un quoi. Peu, mais là moi j'aurais préféré presque quelque chose de plus terre à terre. Il est vraiment dans réduit dans le bouquin, c'est juste un corps par terre. Comment dans le bouquin c'est juste un corps par terre, Voldemort, c'est, voilà. Il part pas, mais ça c'est joli, ça fait un peu livre qui est brûlé quelque part, tu vois. Ouais, mais justement, je trouve que l'impact aurait été plus fort, moi, je pense, si... ça l'aurait vraiment réduit à sa condition de simple sorcier. Ouais, mais d'un autre côté, c'est comme à la fin... d'être surpuissant qui s'est... voilà. Ouais, mais d'un autre côté, c'est comme à la fin, quand Harry, il détruit la baguette de Dumbledore au lieu de la mettre dans le cercueil. Je sais que ça fait hurler tout le monde, mais ça évite qu'il y ait une suite, tu vois. Pour moi, c'est un peu la même logique. Non, moi, là, ça le fait pas que Voldemort par parte en cendre plutôt que reste un corps, parce qu'à mon avis, un corps, pour peu qu'il y ait un scénariste un peu mal avisé, ça se ressuscite facile, un corps, tu vois. Alors oui, que là, c'est quand même un peu difficile. Donc, ce qui est plus rien, tu vois. Mais, mais du coup, dans le bouquin, Harry remet la baguette dans le cercueil de Dumbledore, Dumbledore. Mais pour moi, ça fait trop suite. D'accord. Du genre, oh bah la baguette de Sirop, du coup, je vais aller dans la tombe de Dumbledore et la prendre. Voilà, c'est ça. Donc, je trouvais ça un peu débile, moi, déjà. D'accord. Du coup, ça me gêne pas. Et après, évidemment, oui, au niveau de la mise en scène et tout, il y a beaucoup de bonnes choses. Et c'est vrai, comme je le disais, oui, bon, mais évidemment, il y a des personnages qui meurent. Donc, forcément, ça fait toujours mal au cœur. Même pour les personnages insupportables, type Lavande, par exemple. Ouais. Lavande Brown. Mais après, moi, ce qui m'a vraiment, c'est bête à dire, mais ce qui m'a vraiment ému, c'est aussi ça, quoi, voir Poudlard complètement dévasté par moment. C'est assez, voilà, c'est. L'affiche était forte du film à l'époque. Hein, avec, c'était juste l'affiche du film à l'époque était très forte dans ce sens-là. C'était juste Poudlard qui brûlait et je la trouvais très très belle et très. La grande tour d'astronomie là qui. Ouais. Qui est un peu qui est abîmé quoi. Donc il y a tout ça et évidemment si pour moi la scène forte du film au-delà du duel Harry Voldemort c'est la mort de Severus. Oui, très forte, absolument. Ça moi ça et c'est là je trouve qu'on comprend vraiment toute la sensibilité, la complexité du personnage de Severus Rogue. Et on comprend vite est-ce qu'il l'a détesté ? Pas vraiment. Il n'a pas vraiment détesté Harry, mais il. Mais en fait, c'était parce qu'il détestait. Oui, c'est il ça. Détestait et Harry par transparence. Harry, par son comportement, lui rappelait énormément James, du coup. Mais du coup, c'est vrai que cette scène-là est assez déchirante, mais en plus, il a une mort horrible, quoi. Oui, c'est le. C'est Nagini qui le tue, en fait. Ouais, voilà. Ouais, donc, ouais. Et puis, quand il récupère ses larmes, et du coup, qui va le enfin, qui va essayer, enfin, qui c'est là qu'il va dans comprendre la panzine, voilà, c'est ça, qui tout en fait, pourquoi c'est lui qui a tué Dumbledore au lieu de Draco, voilà, il y a plein de choses qui sont expliquées. Ah, oui, ce passage là est hyper important, hein. Ouais, il est super important, et du coup, moi j'étais hyper concentré pour pas manquer un truc parce que j'avais peur de manquer un point d'intérêt. Ouais. Et puis il y a cette fameuse phrase qui est restée après Always. La phrase c'est la phrase qui définit vraiment Severus, quoi. C'est vrai. Et oui, c'est un très beau film. Après, je suis pas extrêmement fan, par exemple, de l'épilogue. Oui, ça fait débat, ça. Bon, oui. C'est... Il est dans le bouquin. Et moi, je l'aurais pas forcément intégré dans le film, après, bon. Et moi, je trouve ça. Oui, on a une vraie fin comme ça, je trouve. Il y a juste ce plan final avec le cadrage sur les trois héros. Mais, ouais. Mais c'est vrai que oui, cette scène, puis elle est pas hyper bien faite, je trouve. Mais bon, après, voilà, c'est du chipotage. Hein. C'est pas pour autant qu'elle m'aime oui, pas quand je la vois. En hein. fait, c'est parce que je pense que c'est parce que tu passes d'un final super épique à un truc un peu beaucoup plus, peut-être un peu plus intimiste oui. et tout ça. Et du coup, ça fait un peu je bizarre. Je sais pas, quoi, non, c'est, je trouve que les maquillages sont pas extrêmement réussis. Ah, tout c'est ça, bien, mais, ouais. okay, mais après, ouais. voilà, c'est, là, je chipote un peu. Mais non, non, c'est okay, ouais. que dire après. Voilà, c'est un film qui. C'est à la fois une belle fin et puis qui fait référence à plein d'éléments qui composaient les autres films, notamment les tout premiers. Et puis voilà, c'est très bien fait. C'est vraiment. C'est le final qu'on attendait pour quelque chose. Une saga de l'ampleur d'Harry Potter, quoi. Ils auraient pas pu nous faire un truc miteux. Et ouais. clairement, là, non, c'est loin d'être miteux, quoi. Et puis chaque personnage a droit à son moment aussi. Neville avec le pont, McGonagall qui est vraiment les statues, ouais, qui est très drôle, avec les statues moment. Et puis ouais. qui reprend le contrôle de Poudlard. Voilà, donc ouais. ça fait partie de ces moments de cinéma que j'oublierai jamais parce que ça a marqué. Moi, ça a marqué ma cinéphilie, comme ça a pu marquer celle de personnes qui ont découvert les tout premiers Star Wars au cinéma, pareil, quoi. Donc, ouais. Et qui ont découvert le 1. voilà. Non. Mais c'est vrai que voilà, quand tu finissais sur le retour du Jedi et tout, bah, je pense que là, on est un peu sur la même chose, quoi. C'est marquant aussi. Ouais. Bon, même si forcément, eux, c'était qu'une trilogie. Nous, là, c'est vraiment une saga plus longue, mais... Oui, de 8 films. Mais voilà. J'avais pas grand chose à dire de plus, D'accord. C'est pas mon préféré, mais c'est un épisode important et qui me plaît beaucoup, quand même. Ouais. Du coup, moi, c'est un film qui m'a. En fait, j'étais content avant de voir le film que. Enfin, j'étais pas spoilé de la fin, je savais pas qui allait mourir. Ah, c'est bien. Enfin, personne me. Donc, ça, c'était. J'étais content. Ouais, tu te doutais quand même de l'issue de Voldemort et Harry, je sais non pas, en fait. Hein. Enfin, honnêtement. Je savais pas si c'était peut-être les deux qui allaient mourir. Peut-être dans ma tête, j'imaginais. C'était que techniquement les deux de toute façon, mourir, aucun ne peut vivre tant que l'autre survit. Donc, absolument. Voilà, c'est ça. Donc pour moi, ils se seraient peut-être détruits. Enfin bon, c'est des hypothétiques qui étaient dans ma tête avant que je voie le film. Mais tu vois, ça, je pense que toutes les issues étaient possibles. Quoi. C'est sûr que le Harry meurt à la fin, ça aurait vraiment été surprenant et ça aurait été assez fort. Hein. Non, moi, j'étais team Harry se réveille dans le placard sous l'escalier à la fin, perso. Ouais. Tout ça n'était qu'un rêve. T'imagines tout l'horreur. Ça. Non. Ouais. Non mais du coup moi la seule chose que j'ai pas compris dans le film en fait et dont j'aimerais avoir des c'est la pierre de résurrection c'est grâce à la pierre de résurrection qui ressuscite d'accord ok parce mais qu'il, parce que dans il l'histoire il l'a sur en fait, lui en fait tout bêtement enfin moi j'ai toujours non, il compris la, comme il ça excuse moi il la met par terre hein. Donc, non il l'a voilà, pas sur il lui il la met par terre comment dire Voldemort ne tue pas l'enveloppe corporelle de Harry ni l'âme de Harry, mais il ne tue en lançant le Avada Kedavra que ce qui était en lui-même, que la part de Voldemort qui était en Harry. C'est ça. Harry pourrait choisir de revenir. D'accord. Mais il n'empêche que Harry a quand même possédé les reliques de la mort et a pu donc vaincre la mort aussi. Oui, mais la pierre de résurrection, elle sert pas à te ressusciter pour toujours. C'est ce que le film le dit bien quand oui, même. Voilà, ça. C'est parce que c'est ce qui est expliqué dans l'histoire. Donc non, c'est en fait, pas la pierre de résurrection qui ressuscite Harry. Non. Enfin, je crois pas. C'est le fait que. Le fait que Voldemort ait tué juste la partie qui était survivait. Oui, absolument. D'accord. Ok. Voilà. Bah, ça exprime aussi la force de Harry, hein, finalement. Hein. Oui. Parce que ça a beau être un gamin comme les autres, c'est pas non plus. C'est pas Harry, sait que c'est pas un sorcier lambda, mais ça va au-delà du simple fait que Voldemort lui a transmis une partie de son pouvoir malgré lui. Oui, bien sûr, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, c'est vraiment exprimé dans ce film. Donc, ouais, non, le. Voilà, c'est tout ce que je me posais comme question. Donc, du coup. C'est un film qui est épique, franchement, moi j'aime beaucoup. Les scènes de bataille de ce film. Alors, seul truc que j'aurais à refaire en reproche au niveau de la photographie, c'est que parfois c'est très sombre, on voit rien. C'est très très sombre, ouais. Mais après, oui, c'est voulu, quoi. Mais ça se passe de nuit, donc bon, ils vont pas rajouter des lumières, voilà. C'est vrai que, par exemple, il n'y a pas un petit Lumos. Non, mais il y a cette scène où on voit l'armée de Mangemort chargée vers Poudlard, et on les distingue à peine courir, en fait. Ouais, mais justement, c'est pas mal, je trouve, parce que... Enfin, je sais pas. Ouais, mais bon, on est quand même là pour voir quelque chose, quoi, je veux dire. Oui, oui, mais je trouve pas qu'on voit rien. Je t'emmerde pas à faire un grand plan comme ça pour au final le saturer à mort et qu'on voie rien. Non, je vois ce que tu veux dire. Bah, je trouve ça un peu dommage quand même. C'est con de s'être fait chier à traiter l'image autant pour au final. Parce qu'une image, c'est pensé, c'est écrit, quoi. Donc bon. Mais bon, après, voilà, c'est pas toutes les scènes, mais c'est vrai qu'il y a quand même certaines scènes qui sont assez sombres et que du coup, on distingue assez mal. Et puis, voilà, du coup, le personnage de Voldemort, moi, je le trouve vraiment bien écrit, en fait, du début à la fin. C'est peut-être un des personnages les plus intéressants du film, clairement. Dans sa manière de vouloir être immortel, en fait, je trouve ça très intéressant. Tout l'aspect politique, enfin, qui renvoie clairement... Là, c'est même plus caché. Hein. Ça renvoie clairement à la Seconde Guerre mondiale. C'est le nazisme. C'est clairement ça. C'est même plus caché. Mais du coup, je trouve ça quand même intéressant, même si, bien sûr, ça a été exploré pas mal de fois. Ça reste assez. Singulier. En fait, ça reste singulier. Du coup, ça paraît pas être une redite de ce qui avait déjà été fait. C'est peut-être pas non plus mon préféré, même si je l'aime beaucoup, parce que j'attendais vraiment le combat entre Harry et Voldemort, et j'étais pas déçu, en fait, parce que ça se développe en plusieurs instants pendant la bataille, où on le voit déjà Voldemort rentrer dans le château Poudlard pendant que Harry essaye de chercher le dernier Horcrux, et du coup c'est intéressant les différents moments de bataille entre Harry et Voldemort, que ce soit dans la forêt, que ce soit dans Poudlard ou dans la cour de Poudlard. Je trouvais que c'était bien développé et bien écrit, et justement que ça, c'était pas une petite bataille juste pour finir le film. Oui, je suis d'accord avec ça. C'est un film que j'aime beaucoup. Hagrid me déchire le cœur quand il croit qu'il est mort. Tu sais qu'il aurait dû mourir d'ailleurs. Mais que J.K. Rowling a dit qu'elle n'avait pas tué simplement pour qu'il puisse porter le corps de Harry dans ses bras. D'accord. Non, ça aurait été déchiré. T'imagines les figures paternelles de Harry. Non, mais c'est clair. Du coup, voilà, quoi. C'est vraiment un bon film et un bon final, en fait, à cette saga. Et je pense qu'il n'aurait pas pu mériter mieux, quoi. C'est vraiment un bon film. I don't write about the girls I like. I don't write about the problems of my neighbor's life. I don't think that I can write that easily. I like the fantasy talk, I like it Hogwarts style. The W rock is what it's all about. Harry and Hermione and Ron and the Weasleys. Yeah, the Weasleys. I don't write about the drugs that I've never done. I don't write about depression cause it isn't fun. I'm not an emo kid, so I don't fit and do well with the scene. I want a wizard's beard that gets caught in my robes. I want Dumbledore's army there at all of my shows. I want to hang with Severus Snape, but only when he isn't mean. We walk the walk with Wizard Rock. All other rock is Muggle Rock. Before we hit rock bottom, we'll retake it from the top. The hardcore kids can start a riot, but all of us, we're keeping quiet. In the library, but it's only open now to the ones who sing our songs. Da-da-da. Du coup, voilà. On a fini sur les films. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, c'est le classement de chacun des films Harry Potter, du coup, de cette saga, de ces 8 films. Je propose qu'on parte du 8e en finissant par le premier. Et du coup, je propose à Eddie de commencer. Alors, moi, le classement, donc le 8e, ce serait La Coupe de Feu. Pour toutes les raisons évoquées, en fait. Mais encore une fois, voilà, c'est un classement. Je les aime tous, mais c'est juste qu'il fallait les classer. Tout à fait. Ah oui, tu veux que je... Ah oui, je pensais qu'on faisait chacun notre tour, d'accord. Donc la huitième, la coupe de feu. Après, ce serait septième, ce serait la chambre des secrets. Sixième, l'ordre du phénix. Cinquième, l'école des sorciers. Quatrième, les reliques de la mort, partie 2. Troisième, le prince de sang mêlé. Deuxième, les reliques de la mort, partie 1. Et premier, le prisonnier d'Azkaban. Ah, intéressant, intéressant. D'accord. Adrien ? Alors, huitième, Harry Potter et l'ordre du phénix. Mais je sais que c'est subjectif, hein, mais voilà, moi, les choix d'intrigue, j'ai du mal. Septième, Harry Potter 4, parce que, enfin, la coupe de feu, parce que, hein, bah, on l'a dit. Sixième, Harry Potter 1, ex aequo avec le cinquième, Harry Potter 2, parce que pour moi, c'est les mêmes films, quasiment, en fait. C'est juste qu'Harry Potter 2 est meilleur et plus poussé, mais c'est les mêmes films. Quatrième, Harry Potter 7, partie 2. Parce que je l'adore, mais il n'est pas au niveau des trois premiers, des trois du top 3. Troisième, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. À la fois le troisième d'un point de vue linéaire et le troisième dans mon cœur, parce que je l'adore, mais je préfère un poil le deuxième, Harry Potter 7, partie 1. Parce que moi, l'aspect documentariste, intimiste, j'adore ça. Et enfin, le premier, ça ne surprendra personne, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Le prince de sang. Parce que audace visuelle, audace scénaristique et bah, audace partout en fait. Donc pour moi, c'est vraiment le meilleur film de la saga. Ok, très bien. Du coup, pour moi, le 8ème, c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est celui où vraiment j'ai eu des moments où je voulais arrêter le film parce qu'il y a certains. Enfin, les moments adolescents, voilà, on en a déjà parlé. 7ème, Harry Potter à l'école des sorciers. Le sixième, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Le cinquième, je sais qu'il est bas, mais je pense que je mériterais à le revoir, Le Prince de Sang-Mêlé. Quoi ? Ah oui, il est bas, ouais. Il est très bas. Ouais. Le quatrième, L'Ordre du Phénix. Troisième, Les Reliques de la Mort, partie 2. En deuxième, Le Prisonnier d'Azkaban. Et en premier, Les Reliques de la Mort, partie 1. Ah, c'est stylé, ça. Parce que je pensais pas pleurer devant un film Harry Potter. Tuerie. En vrai, c'est une tuerie, ce film, il est incroyable. Et, il est, en plus, c'est pas que la mort de Dobby qui motive mon choix, c'est tout l'aspect cinématographique autour, l'aspect développement des personnages, voilà, c'est tout ça. Voilà. Et je précise que c'est un classement pas encore fini, parce qu'il faut que je les revoie, il faut que je les relise, etc. Oui, et puis il y a aussi les animaux fantastiques qui sont à classer quelque part. Ce sera des trucs séparés quand même pour moi. Après, ça va dépendre. Ça va dépendre si vraiment les deux se rejoignent, mais. Ouais. Sachant que Les Animaux Fantastiques, il est censé y avoir 5 films en tout. Je veux dire, même en faisant 5 films, à part aller très loin dans le temps, du coup, en s'espaçant, techniquement, ils sont pas sur les mêmes époques. Donc, je pense que ça va finir par la défaite de Grindelwald face à Dumbledore. Ça se finira comme ça, je pense. Pour moi, Grindelwald, je verrais plus ça en première partie de saga, quoi, à la fin, plus que... Ah, étonnant. Pourquoi pas. D'ailleurs, c'était amusant de voir Grindelwald qui jouait dans Sweeney Todd, là. C'est lui qui joue dans Sweeney Todd, oui. Absolument, c'est le même mec. Ouais, voilà. Du coup, voilà, on a fini sur ce podcast hors série. Deux secondes. Je voulais juste dire un tout petit mot sur les fanfilms. Ouais, vas-y. Alors, franchement, il y en a une pelletée et je les ai pas tous vus. Mais il y en a un qui est fou que j'ai vu très récemment. Il est sur YouTube. Malheureusement, uniquement en anglais, mais je crois que les sous-titres français sont disponibles maintenant. Qui s'appelle Severus Snape and the Marauders. Donc, et ça se passe au moment où le père d'Harry. Enfin, tout le monde, en fait, le père d'Harry, Sirius Black, machin, et Rogue, quitte Poudlard, et où la grande guerre va commencer, avec Voldemort va commencer. Et donc, ça parle de la relation qu'entretenait, destructrice qu'entretenait donc le père d'Harry, les maraudeurs, et Severus Rogue. Et ça explique un peu les choix que fera Rogue par la suite. C'est vraiment très bien fait et très bien joué. Et il y a une suite qui existe uniquement en podcast audio. Elle est sur iTunes. Qui s'appelle The Great Wizarding War. En fait, ça part de la Grande Guerre, tout simplement, et de la manière dont Rogue et les autres vont arriver à se construire pendant cette Grande Guerre. Et donc, la série n'est pas encore finie. Je crois qu'il doit rester 2 ou 3 épisodes, mais c'est vraiment vachement bien. Donc, ça, je recommande vraiment. D'accord, ok, super. Ben, ce sera dans les liens du podcast. Moi, j'avais vu. Après, j'étais pas. Voilà, j'avais vu le Maître de la Mort, moi. Oui, un peu décevant. Un peu. Et j'en avais vu un autre aussi centré sur Voldemort, mais je sais plus comment ça s'appelait. D'accord. Voldemort Origins, je crois, un truc. Oui, Origins of the Air. Oui, c'est ça. Ok. Qui était mieux quand même. Mais, Oui. Mais après, voilà, c'est pas. Ils se valent pas tous, quoi. Les fanfilms. Mais bon, après, voilà, je veux dire, les gens font ce qu'ils peuvent aussi avec ce qu'ils ont. Hein. Oui. C'est clair. Mm-hmm. Ok. Voilà. C'est bon, on a fini sur ce podcast hors série saga Harry Potter. Je pense que la prochaine fois qu'on en parlera, ce sera quand les Animaux Fantastiques 3 sortiront. Mm-hmm. Et Dieu sait qu'on aura des choses à dire. Oui, et même des gros débats, pour le coup. Bah, ou pas, parce que ça dépend s'il y a Morgane ou pas, en fait. Ouais, donc voilà. Et d'ailleurs, je suis curieux de revoir les Animaux Fantastiques, du coup, maintenant que j'ai vu. Ah, bah, Harry le Potter, premier, tu vas trouver plus, des liens, du coup, là. Ouais, non, mais. Même le deuxième. Du coup, même. Oui, j'avais beaucoup aimé le. Enfin, j'avais aimé le premier, alors que j'avais vu. J'avais pas revu les Harry Potter, du coup. Donc du coup, je suis curieux de voir ce que ça donne en les ayant revus. Voilà. Donc, je voudrais déjà remercier Adrien d'avoir participé à ce podcast. Oh, un plaisir absolu. Voilà. Merci aussi à Eddy de toujours être là pour participer au podcast Nerd. Parler d'Harry Potter, hein, il fallait bien. Du coup, je vais rappeler toutes les informations que vous pouvez nous retrouver. Sur moviesnerd.net, vous retrouverez nos émissions audio et vidéo ainsi que nos critiques écrites sur plein de choses. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux moviesnerd sur Facebook, movies_nerd sur Twitter. Vous pouvez noter le podcast moviesnerd, ça nous aide beaucoup sur iTunes et Podcloud. Ça nous permet de monter dans le classement des podcasts francophones qui parlent de cinéma. Vous pouvez nous contacter à contact@moviesnerd.net et je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Ah oui, sur Instagram aussi, moviesnerd_officiel, quelque chose comme ça. Pour moi, personnellement, vous pouvez me retrouver sur Sens Critique, moviesnerd, Twitter et Instagram, THELEXAL, TheLexal. Voilà. Adrien. Quant à toi. Oui, bah Parker Mitty sur Twitter et maintenant d'ailleurs aussi sur Instagram. Bon, je garantis pas que ce soit très intéressant, t'es devenu un influenceur. Un influenceur de qualité, voilà, quelque chose comme 20 abonnés. Oui. Enfin, bref, c'est la grosse folie. sinon, bah comme toujours, smallthings.fr pour les critiques. Je garantis pas que j'en écris beaucoup, mais bon, ça mérite d'être cité. Et Serial Causer, donc notre série 100%. Notre podcast 100% causerie série qui revient très bientôt, puisque je crois qu'on enregistre le prochain en fin août, donc il sortira début septembre. Voilà. Oui. Ok, très bien. Eddy. Toujours pareil, hein, ça ne change pas. Movies Nerd, Sens Critique, Facebook, YouTube, Steam, Youplay, Origin, Essay Star partout. Grindr, et Twitter aussi, j'y vais tous les deux mois peut-être. Voilà. D'accord. Et pendant que je suis en train de mourir actuellement, parce que... j'ai un chat dans la gorge. Je vous souhaite du coup une agréable journée à tous. Merci d'avoir encore écouté ce podcast qui fut long, mais j'espère. Vous pouvez pas faire court là. Et vous êtes des trous warriors si vous avez écouté jusqu'au bout. Ouais. Non, voilà, voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on vous dit à la prochaine pour un prochain hors-série saga. On sait pas encore sur quoi. Adrien m'a donné une idée, mais je sais pas si j'oserais un jour. On verra. On vous dit que ça concerne un acteur qui a joué dans Harry Potter. Dans la saga. On en a parlé pendant le podcast. voilà. Du coup, on vous souhaite à la prochaine. Salut. Au revoir. Abracadabra a nigga, expecto patronum on a nigga. What? If Mo-Fi gon' run up on me, then I'ma put my wand to the nigga. Ayy, Ron in the back of my line on the sec. Y'all motherfuckers don't know how to act. Fold them